passion and greed. A little more pride, a little less fun. A little less fight, a little more fun. Hold your mouth and open up your heart and make a satisfying me. Satisfying me. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour la Red Arc du Sport en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 20h34, très heureux de vous retrouver en ce lundi 15 décembre, l'une des dernières émissions de l'année. On sera encore ensemble la semaine prochaine et peut-être le lundi suivant, mais voilà, on est sur les dernières émissions de l'année en tout cas. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et voilà, la journée s'est bien passée pour vous. On va être ensemble jusqu'à 22h30. Hugo nous rejoindra à 21h pour la page foot. Plein de choses encore à débriefer ce soir. La journée de Ligue 1 qui s'est terminée hier avec le choc Marseille-Monaco. On y reviendra. Et les autres matchs aussi. Hein, tout le monde a gagné en haut. Hein, Paris, Lens, Lille. Voilà, donc pas de changement en haut. On verra tout ça avec... la trêve qui arrive avec encore quand même un match de Coupe de France ce week-end, on va aussi en parler. Les grands championnats européens avec le point aussi sur la fin des phases allées pour certains. Certains joueront encore bien sûr comme l'Angleterre sur cette trêve. Voilà, on va en parler. Et puis on aura aussi bien sûr la Coupe de France, je le disais, avec les 32e de finale. On en parlera tout à l'heure. On parlera aussi jusqu'à 21h, tout le reste de l'actualité sport. Le rugby top 14 qui se poursuit. Le tennis, il y aura quelques petites infos, même si la saison ne reprendra pas avant 2-3 semaines. Voilà. On aura aussi bien sûr du basket. C'est l'OLB qui a été largement battu pour sa sortie ce week-end. Mais qui conserve néanmoins la tête de ce championnat, on en reparlera bien sûr. Handball, ça se passe bien pour Saran, en revanche toujours invaincu depuis 8 rencontres et qui se rapproche du podium, qui même sur le podium et qui se rapproche même de la première place avant la trêve. Ce serait l'objectif du week-end, on va y revenir dans un instant. Et puis notre actualité biathlon où les Français et Françaises réussissent de belles performances, on en reparlera avec donc ce début de saison qui se passe très très bien et on vous présentera l'étape de la semaine. Voilà, donc tout va bien pour nos Français en biathlon. Voilà le programme donc de ce soir, beaucoup de choses encore comme d'habitude et bien entendu les directs de la soirée qui vont nous animer tout au long de cette émission. On aura donc 3-4 rencontres même en direct. Ça démarrera donc dès 20h45 avec en Ligue 2 le leader troyen en déplacement à Boulogne-sur-Mer qui pour l'instant est 16e. Hein. C'est compliqué pour Boulogne. En revanche pour Troyes, l'occasion est belle de prendre un peu d'avance en tête. Ce sera donc à 20h45, dernier match de cette 17e journée de Ligue 2 en Angleterre. À 21h, ce sera Manchester United qui reçoit Bournemouth, 8e contre le 15e. United qui pourrait, en cas de victoire, revenir à hauteur de Chelsea à 4e place. Donc match important pour Chelsea. Et puis enfin pour Bournemouth, c'est bien l'occasion de s'échapper un petit peu de la zone rouge qui n'est qu'à 7 points. Donc important de s'imposer ce soir. Donc ce sera pour l'Angleterre. On aura aussi en championnat en Espagne ce soir pour la suite donc de cette saison en Liga et puis aussi de l'Italie. Voilà, il y a beaucoup de choses ce soir. Encore une fois, beaucoup de directs tout au long de la soirée. Donc l'Espagne, ce sera Rayo Vallecano Betis Séville, donc à 21h entre le 13e et le 6e, et puis un match en Italie pour finir. L'AS Rome reçoit Côme, donc 4e reçoit le 7e Côme. L'AS Rome, en cas de victoire, pourrait se rapprocher à un point du podium, qui est très très serré ce podium. On va y revenir, entre l'Inter, le Milan et Naples. C'est un championnat très animé. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler plus longuement tout à l'heure avec Hugo. Voilà le programme de la soirée. Beaucoup de choses encore, je vous le disais. Et tout de suite, eh bien, je vous propose de démarrer cette émission. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Et pour démarrer cette émission, eh bien, notre actualité biathlon, comme maintenant chaque hiver, on a l'occasion d'en reparler. Avec un début de saison très bon encore pour les Français. On le sait, beaucoup de cadors qui ont arrêté leur carrière. Ça laisse de la place, bien sûr, pour d'autres Français. Ça s'est bien passé donc pour l'étape en Autriche à Horšhausen, pour notamment Lou Jean Monod, vainqueur du sprint donc féminin. Et puis malheureusement ça s'est moins bien passé ensuite en poursuite, puisqu'elle a joué la victoire jusqu'au dernier tiers. Malheureusement, deux erreurs l'ont fait chuter à la 7e place. On était la belle 4e place de Justine Brezaz, battue au sprint pour le podium. Et Camille Benet, 6e, la jeune Française, auteur d'un sans faute, une belle remontée pour la Française, puisqu'elle était un petit peu plus loin lors du sprint. Elle était 6e à 30 secondes, donc elle a fait une belle remontée pour terminer finalement à la 6e place, mais avec un beau sans faute. Et la victoire, elle revient à Lisa Vitozzi, l'Italienne, 4e seulement du sprint. Anna Magnusson, la Suédoise, est 2e. Maren Kirkkaede, la Norvégienne, 3e. Donc encore un beau tiers d'ensemble pour les Françaises, 3 dans les 7 premières, donc encore une belle performance. Enfin, le relais féminin remporté par la Suède, très en forme en ce moment, avec les sœurs Heuberg notamment. 2e place pour la Norvège, l'Allemagne 3e, la France loue 6e seulement. Trop d'erreurs, trop de pioches, un taux de pénalité, donc elle n'était pas dans le coup sur ce relais. Les filles, les garçons, avec Éric Perrault, vainqueur du sprint, vainqueur de la poursuite, le sprint, lui est revenu à Tommaso Giacomel, l'Italien. Perrault donc était 2e avec 4 secondes seulement de retard, donc ils se sont pratiquement élancés ensemble lors de la poursuite, remportée par le Français, auteur d'un sans faute. Tommaso Giacomel termine donc 2e avec une erreur qui aurait été de trop pour la victoire. Et Johan Bont, le Norvégien, 3e, complète le podium. Jacqueline est 7e. Fillon Maillet, 11e, un petit peu trop loin sur les skis sur cette poursuite. Et puis la victoire du relais est revenue une nouvelle fois à la Norvège, comme la semaine dernière. Le podium est composé à nouveau de la France 2e et de la Suède 3e. Même podium que lors du précédent relais la semaine précédente. Notez que la Norvège a réalisé qui était vraiment au-dessus, trois pioches seulement sur l'ensemble des quatre passages. Donc c'était du très très grand, de la très très grande Norvège, encore malgré l'absence des frères Bœ. On retrouve encore une Norvège très en forme cette saison. En tous les cas, ça se passe bien pour le moment pour les Français et les Françaises. Le général chez les garçons est dominé par Johan Bont, donc le Norvégien, Giacomel 2e, et Éric Perrault 3e. Bon, il y a un peu d'écart, mais rien de rédhibitoire. Fillon Maillet est 5e. Donc tout, bien sûr, peut encore basculer, et c'est énormément d'étapes encore. Magnusson chez les femmes est en tête devant Kirkkaede, donc la Norvégienne, Lou Jean Monod 3e et Camille Benet 4e, donc deux Françaises dans les 4 qui sont à proximité du podium et de la première place. Donc tout va bien pour le moment dans ce début de saison. La suite, eh bien, nous amènera en France pour l'étape d'Annecy, le Grand Bornand. Ce sera cette semaine. Donc on a à cœur d'accueillir encore une fois cette très belle étape. Du côté d'Annecy. Alors le programme de cette étape qui va démarrer, donc ce sera à partir de jeudi, les premières épreuves donc jeudi pour cette nouvelle étape. Hein, on aura encore beaucoup de choses à voir. Hein, on espère des victoires françaises. Évidemment, alors jeudi, ça commencera donc avec le sprint, c'est ça, féminin, donc jeudi après-midi. Ensuite vendredi, le sprint masculin, voilà. Et puis pour le week-end, eh bien les poursuites auront lieu eh bien samedi, hein, comme d'habitude. D'abord les femmes et puis les hommes enchaîneront. Et puis enfin, bien sûr, les premières mass start qu'on en attend de la saison, elles auront lieu dimanche. Donc d'abord pour les femmes, et puis ensuite les hommes enchaîneront. Donc un programme assez classique pour cette étape française, c'est-à-dire sprint, poursuite, mass start. Mais en tout cas, les premières mass start de la saison, on a hâte de les découvrir. Donc cette étape, cette saison, donc Annecy au programme. Et on a hâte d'y être donc à partir de jeudi. Voilà pour notre saison de biathlon qui, je vous le disais, se passe très bien. Allez, ça va être parti donc dans nos directs 20h45. Donc pour les premiers matchs qui vont se lancer, c'est-à-dire la Ligue 2, le leader 3 qui est en déplacement à Boulogne. Coup d'envoi imminent. Même chose pour l'AS Rome qui reçoit Côme en Italie. Donc les coups d'envoi voilà pour les secondes à venir. Et puis Boulogne 3 vient de se lancer d'ailleurs. Et puis AS Rome Côme c'est donc dans quelques petites secondes. Et puis ensuite 21h Manchester United Bournemouth, Vallecano Betis. Voilà donc des matchs intéressants ce soir à suivre, hein, de l'enjeu pour beaucoup de matchs. Voilà donc pour cette directe qui se lance. On continue notre programme, notre débrief multisport avec du handball, avec donc Saran, je le disais, hein, en Pro League, qui fait une remontée incroyable. On rappelle qu'il avait très mal démarré la saison, hein, qui était assez loin, et là donc on est sur une série incroyable, 8 matchs sans défaite. Une qualification aussi historique en Coupe de France. Alors ça, on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais notez quand même que l'exploit de Saran qui s'est imposé lors de ce match de Coupe de France, dans un match assez ouvert d'ailleurs, face à Limoges, hein, qui pensionnaire de Star League, 40-38, hein, il n'y a pas de prolongation, c'est le score dans le temps, dans les 60 minutes. Donc évidemment beaucoup d'attaque, peu de défense, mais ça donne un score fleuve et ça donne une victoire surtout et une qualification historique pour les Sarnais en quart de finale. Hein. Ça, c'est, vous rendez-vous compte, une belle performance. Une qualification au passage de Dunkerque, Aix-Nîmes, Paris, Chambéry, Nantes, il n'y a pas eu de surprise. Hein. Montpellier tentera de se qualifier demain, un déplacement à Cournon d'Auvergne. Donc qualification de Saran pour les quarts de finale. Évidemment, le tirage n'est pas encore effectué, mais ce sera un gros normalement. Pourquoi pas Paris à domicile, on leur souhaite en tout cas, et c'est une qualification historique. Et puis en championnat, donc, la série aussi s'étend, hein, avec 7 victoires consécutives. La conséquence directe de cette série, c'est que Saran remonte. Hein, et alors, pour l'instant, n'est que 8e, mais officiellement, il est à 1 point. Du podium et à 2 points de la première place, parce que c'est vraiment très serré, hein. Le premier est à 18 points, Cournon d'Auvergne justement, hein, et Caen à 18 points, ensuite Ivry, Pontecombo, Pau et Valence à 17 points, puis Cherbourg, Saran à 16 points. Donc en fait c'est vraiment très très serré. Saran donc s'est imposé samedi face à Pau 36-29, hein, ce qui était 5e, donc c'est vraiment une grosse perf, cette victoire en plus assez large. Et avant la trêve, Saran aura l'occasion de se rapprocher de la première place, puisque ce sera la réception de Cournon d'Auvergne. Ce sera vendredi à 20h. Je vous invite à noter le rendez-vous, donc vendredi 20h au Palais des Sports, pour l'accueil du leader, hein, qui joue demain, qui aura joué déjà un match dans la semaine. Ce serait sympa d'en profiter, d'aller gagner pour être pendant la trêve sur le podium, hein, ce sera l'objectif. En tout cas, ils y sont quasiment, hein, les Saranais, avec cette remontée incroyable. Donc il faut continuer dans ce sens-là, mais il y aura donc après cette journée une trêve et reprise à partir du 6 février. Pourquoi? Eh bien parce que en janvier, donc il va y avoir les fêtes, puis en janvier, on le rappelle, hein, évidemment, on l'attend, ce sera donc cette Coupe du Monde, cet Euro plutôt, pardon, cet Euro masculin qui aura lieu. Voilà donc voilà pourquoi la trêve va être assez longue. Évidemment, ce serait bien de se positionner le plus haut possible avant cette longue trêve. Bah, donc pour les Saranais, et puis donc voilà l'Euro qui démarrera le 15 janvier. Voilà, on rappelle, voilà la France, bon, le pire rappel, sera dans le groupe de la République tchèque, de l'Ukraine et enfin de la Norvège. Voilà, le gros poisson, c'est la Norvège. Donc, République tchèque d'abord, le 15, le 17, l'Ukraine et probablement le choc pour la première place face à la Norvège avant de passer sur ensuite le tour principal, on rappelle, qui emmènera les trois premiers dans ce tour principal. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Voilà donc pour les Saranais, ça va plutôt très bien. En Star League maintenant, eh bien un petit point aussi avant la trêve, il restera bien sûr là aussi un match ce week-end. C'est Paris qui domine toujours le classement avec une nouvelle victoire face à Limoges hier. Donc Paris très logiquement est en tête devant Nantes qui de son côté s'est aussi imposé 2 points derrière, et puis Montpellier un petit peu plus loin et 3e pour le moment de ce classement donc de Star League. Donc pour le moment c'est donc Paris bien sûr qui domine toujours assez largement ce classement. Un petit mot rapide de Ligue des Champions puisque là aussi ça va être bientôt la pause avec encore quelques matchs après la trêve, mais pour l'instant comme avant voilà depuis quelques semaines, bah Paris c'est pas ça en Ligue des Champions, hein. Seulement 3 victoires et 7 défaites, qui est 6e. Voilà, pour l'instant c'est loin du compte pour les Parisiens. Il va falloir se reprendre, il reste encore des matchs mais c'est déjà compliqué. La défaite au Barça c'était la dernière rencontre, donc pour l'instant c'est compliqué pour Paris. Et puis dans l'autre groupe où figure Nantes, c'est pareil, hein. 4 victoires, 6 défaites, une 6e place seulement. Donc c'est compliqué aussi pour nos Nantais dans ce groupe A et qui tentera de se refaire après la trêve, parce qu'il n'y aura plus de match de Ligue Champion avant le mois de février. Donc il faudra essayer de se reprendre après cette grande pause. Et puis un mot donc chez les filles, puisque c'était la trêve, puisque le mondial avait lieu, les Françaises on remettait leur titre en jeu. Malheureusement ça n'a pas suffi puisque les Françaises ont été battues en demi-finale par l'Allemagne, qui ont été dominées tout le match, hein, 29-23 le score final. Pas de regret sur ce match puisque les Allemandes étaient vraiment au-dessus. En revanche, elles vont quand même repartir avec la médaille de bronze, victoire face aux Pays-Bas aux prolongations, 33-31, match à suspense. Les filles sont sorties vainqueurs de ce duel face aux Hollandaises, qui étaient chez elles d'ailleurs pour cette petite finale. Et donc voilà, qui repart quand même avec la médaille de bronze. C'est la Norvège qui remporte ce titre mondial en battant les Allemandes 23-20. Les Norvégiennes qui donc détiennent les 3 titres, hein, Jeux Olympiques et Euro l'an dernier, et puis le Mondial cette année, donc qui est vraiment tout en haut de la planète en ce moment, donc les Norvégiennes, avec cette nouvelle victoire hier face à l'Allemagne. Voilà pour le point en handball. On poursuit avec du basket, où l'OLB allait très très bien, et il y a eu une grosse claque pour l'OLB. Voilà, ça peut arriver, hein. Voilà, évidemment, il y a eu de gros résultats ces dernières semaines, avec pratiquement sans faute. Et voilà, la dernière victoire, c'était d'ailleurs face à Évreux, à domicile, hein, le samedi 6. Et il y a eu, bien sûr, une grosse série qui s'était mise en place pour Orléans. Et malheureusement, là, il y a eu 2 défaites en 3 journées. Et donc la dernière, c'était une claque, hein, reçue vendredi soir à Denain, 97-72. Hein, le score, il fait mal, hein, presque pratiquement 30 points. Donc Orléans qui était loin du compte, mais qui reste néanmoins en tête, hein, aux côtés de Blois, qui du coup en profite pour les rejoindre en tête, qui eux se sont imposés de leur côté à Pau. Aux prolongations, ça c'était très long face à Pau, 107-102, pratiquement des scores de NBA. Et donc Blois en profite pour recoller en tête qu'Orléans. 11 victoires pour 3 défaites seulement. On rappelle qu'Orléans est toujours invaincu à domicile, hein, c'est la dernière équipe. Rouen est deuxième, Voilà, et un peu plus loin, on a Denain justement qui a battu Orléans sur cette dernière journée. Le programme à venir, donc vendredi, réception de La Rochelle, qui est 8e, donc voilà, c'est pas un match à prendre à la légère. Donc vendredi, bien sûr, à la Comet Arena. Et puis on continuera de jouer hein, pendant la trêve, hein, pendant les vacances. Ensuite, déplacement à Aix mardi prochain, voilà, le 23, avant d'enchaîner le samedi suivant à domicile face à l'Alliance Sport Alsace. Voilà, donc il y aura deux matchs la semaine prochaine. Voilà, avant une petite pause, une toute petite pause pendant les fêtes, et retour après début janvier, à partir du 9 janvier. Donc voilà, il y aura une pause, on va dire, la semaine du 29 au 4 janvier. Voilà, mais en tout cas, deux matchs la semaine prochaine à bien manœuvrer pour essayer de rester en tête à l'issue de ces deux matchs. Voilà. Pour le basket, but à ouverture du score à Boulogne, c'est 3 qui ouvre le score, le leader à l'instant même, donc par l'intermédiaire de j'ai pas eu le temps de voir d'ailleurs qui avait marqué cette ouverture du score. On va le voir dans un instant. En tout cas, ça fait déjà 1-0 pour le leader qui prend le match par le bon bout en marquant les premiers face donc à Boulogne. 1-0 pour l'instant dans cette rencontre. Donc à Boulogne, on va continuer de suivre sur cette rencontre, tout comme AS Rome comme pour l'instant 0-0, puis bien sûr les matchs de 21h qui vont se lancer dans un peu plus de 5 minutes. Un tout petit mot de, puisqu'on était avec le basket d'Euroleague, pour là faire un point aussi sur nos clubs français. Où en est-on après 15 journées? Eh bien, pour l'instant, pour Monaco, 7e place pour l'instant, c'est plutôt pas mal sur ce début de saison. C'est très compliqué pour Paris, 16e. Et puis dernier, l'ASVEL à 3 victoires seulement. C'est très très compliqué cette saison de Euroleague qui risque d'être bien longue pour nos Lyonnais hein, dans cette Euroleague. Et puis Paris aussi, c'est compliqué. Les premiers pas en Euroleague sont compliqués. Un petit mot de NBA, puisque ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. C'est Détroit qui est le leader de la conférence Est pour le moment, aux côtés de New York et Boston qui suivent juste après. Et puis à l'Ouest, Oklahoma City est toujours leader, loin devant, 24 victoires et 2 défaites seulement. C'est du très très lourd. Denver, loin derrière déjà, est deuxième. Houston, les Spurs avec Wembanyama sont quatrième, qui réalisent un gros gros début de saison, hein, qui est revenu de blessure, qui a encore bien carburé sur ses dernières rencontres. Donc tout va bien pour les Spurs, quatrième, hein, qui sont dans le coup dans ce début de saison. Voilà pour le basket. On enchaîne très rapide du tennis. Donc c'est bien sûr la pause, on reprendra fin de saison. Bien sûr, on aura des petites exhibitions qui vont avoir lieu. Juste pour vous dire que c'est Yannick Sinner qui a été élu à nouveau joueur préféré des fans après un vote qui a été organisé par l'ATP, pardon. On rappelle le numéro 2 mondial. C'est la troisième année consécutive qu'il reçoit ce vote. Voilà l'Italien. Voilà, donc après 2023-2024. Donc voilà la petite consécration pour lui. On rappelle que c'est un trophée qui avait été créé en 2000 et qui avait été remporté en 2022 par Rafael Nadal après 19 ans de monopole par Roger Federer, qui avait remporté quasiment tous les ans sauf 2022, puisqu'il était plus là, bien sûr. C'est Nadal qui l'avait remporté, et depuis c'est l'Italien qui a pris le relais. Voilà. Nadal, tiens, qui a été opéré de la main droite. Bon, il joue plus évidemment, mais il a dû subir une intervention chirurgicale puisqu'il a de l'arthrose, hein, on rappelle, à la main droite. Et on rappelle qu'il a comme prévu bien de faire des tournées d'exhibition à côté de Roger Federer. Ce sera pas pour tout de suite, mais c'est un projet qu'ils ont tous les deux pour essayer de proposer des exhibitions un petit peu partout dans le monde. On espère bientôt. Et puis Roger Federer, de son côté, lui, va participer à une exhibition avec d'autres anciens numéro un mondial, lors de la cérémonie d'ouverture qui va être créée, hein, à l'Open d'Australie le mois prochain, qui va être créée, cette cérémonie d'ouverture. Et donc il sera aux côtés notamment de André Agassi, et ils affronteront donc en double d'autres anciens numéro 1 mondiaux, les Australiens Leighton Hewitt et Patrick Crafter. Voilà, donc ils vont donc jouer cette rencontre d'exhibition à l'issue de cette cérémonie d'ouverture qui va être créée donc à partir de cette année 2026 en Australie. Voilà pour les quelques petites informations que l'on avait. C'est pas grand chose. On attendra bien sûr fin d'année. Il y aura des exhibitions, puis tout début janvier. Et ensuite, c'est donc qui va vite reprendre ses droits. Allez, on clôture Actu Rugby avant de marquer une pause et de retrouver Hugo juste après le top 14. Ça continue bien sûr avec Pau toujours leader aux côtés de Toulouse. Hein, c'est surprenant cette équipe de Pau qui s'est imposée encore hier, qui s'est imposée donc sur cette dernière journée, pour l'instant ça se passe très très bien pour cette équipe de Pau, hein, qui s'était imposée lors de la dernière journée face à La Rochelle, donc leader, tout comme d'ailleurs donc les Toulousains toujours aussi bien installés. Donc en tête de ce classement de 14, Toulon 3e, Stade Français 4e. Donc de ce top 14, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est les coupes d'Europe qui ont démarré. Ça y est, un début de ces matchs de coupe d'Europe. Hein. Alors on rappelle un format un petit peu particulier, hein, puisqu'on joue à chaque fois des sessions de deux matchs. Il y en aura deux autres à nouveau mi-janvier. Et on n'affronte pas tous les adversaires. Donc pour l'instant, Toulouse, une victoire, une défaite, hein, et puis Clermont, deux défaites. Ça s'est pas bien passé. Pour Clermontois, battu à Glasgow vendredi samedi. Toulouse a battu les Sharks assez largement d'ailleurs. Donc voilà, pour l'instant c'est pas trop ça, mais encore deux matchs. Castres qui est deuxième, une victoire et une défaite là aussi, tout comme Toulon. Et puis en fait tout dans cette poule, tout le monde a gagné un match et a perdu un match. Donc là, c'est statu quo pour tout le monde. Tout sera à faire lors de des deux derniers matchs de janvier. La Rochelle qui est aussi dans le même constat, une victoire et une défaite. Bayonne a perdu ses deux matchs dans la poule 3, donc ça s'est pas bien passé. Et puis enfin c'est Bordeaux-Bègles qui s'en est mieux sorti avec deux victoires et deux bonus offensifs, donc qui est en tête de 10 points aux côtés de Northampton. Et puis Pau de son côté, est le leader, co-leader de top 14, a perdu deux fois. Voilà, c'est comme quoi, hein, on peut être leader en top 14 et puis prendre une valise, comme c'est le cas, ça a été le cas hier, hein, défaite à Bristol 61-12. Voilà, ça a été très compliqué. Surclassé totalement en Angleterre, hein, cette équipe de Pau. Et donc, il faudra essayer de gagner ces deux matchs pour essayer d'aller voir plus loin, dans cette compétition. Voilà, pour l'instant, le point dans cette Coupe d'Europe. Allez, on va marquer une pause à 21h01. C'est parti. Donc, Angleterre, Manchester United, Bournemouth. C'est parti. En Espagne, Rayo Vallecano, Betis, Séville. Toujours 1-0 pour 3 qui a ouvert le score face à Boulogne. Et c'est le buteur, c'est Antoine Mille. Donc, il a ouvert le score pour les Troyens. Pour l'instant, ça fait donc 1-0. Et puis, AS Rome, comme toujours 1-0. On va marquer une pause et juste après on se retrouve donc pour retrouver Hugo et parler football, beaucoup de choses à dire. Backer Matt, c'est Living tout de suite, que l'on écoute à tout de suite sur Arc-en-Ciel. don't forget them. Keep your head up high. Yes, the future's right. Keep your head up high. Don't let nothing hold you down. Nothing hold you down, down. Matt Living à l'instant pour le son sur Arc-en-Ciel. Je rappelle qu'il est 21h05, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel pour l'arrêt d'Arc du Sport. C'est la deuxième partie de l'émission jusqu'à 22h30, tout droit jusqu'à la fin de l'émission pour la page foot. On va retrouver Hugo dans une poignée de secondes. Avant ça, juste un mot de rugby, on en parlait à l'instant, pour juste revenir sur le RCO, qui, RC Orléans, qui donc toujours en National 2, bien sûr, qui est deuxième du classement, malgré une défaite hier d'un point c'est sur la pelouse de Grolet. Malheureusement, une toute petite défaite d'un point, 29, mais ça permet quand même de rester deuxième. À un point de Sale, le leader, donc c'est très très serré. Et puis le stade Langeonnet qui est troisième avec 39 points, donc deux points derrière. Donc c'est un trio très serré. Ça se passe très très bien pour le RCO. Et donc là c'est la trêve. Retour le 10 janvier. Réception de Sale, justement le leader. Donc ce sera l'occasion de reprendre la première place. Donc pour l'instant tout va bien pour Orléans dans ce championnat national 2 de rugby. Mais tout de suite c'est l'heure de retrouver Hugo qui nous rejoint pour cette page football à 21h06. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Eh bien, ravi de te retrouver pour ce nouveau débrief de foot. On a encore pas mal de choses ce soir au programme. On a 4 directs qui sont lancés, ça y est. Et tu, je pense, suis pour nous Manchester United Bournemouth. Non, t'as dit d'un côté. Non, je suis Boulogne-sur-Mer contre les Pats. Bah oui, bien sûr, bah oui, évidemment. Bien sûr. Je suis pas seulement de Troyes, donc forcément, je suis mon petit test. J'aurais dû m'en douter. Occasion pour Boulogne, là, je crois. Qui a une occasion. Est-ce que ça va? Non, ça, t'en as pas. Ah, si, égalisation de Boulogne. Si, égalisation de Boulogne. À l'instant, c'est pas, tu l'as pas encore, peut-être? J'ai pas encore. D'accord. Donc c'est un très beau spoil en tout cas, mais effectivement, là, c'est, ah oui, c'est un beau CSC en plus. Ah voilà. Et ouais. Donc ça fait un partout. Entre ouais, Boulogne un partout, 23e minute, ouais. Bon, écoute, je vais te laisser suivre ce match-là. Je vais pas. je vais. voilà. Donc en tout cas, voilà. Donc bah, c'est merci d'avoir suivi ce match pour nous. En tout cas, Hugo, c'était avec sympa. Plaisir, en tout cas, c'est. Je suis en direct du stade, hein, donc c'est pour ça. C'est bizarre, d'ailleurs. Mais but un peu casqué hein, de l'Estac, mais c'est vrai que ça poussait depuis quelques minutes quand même côté boulonnais. Et j'ai pas vu qu'il a marqué CSC. Je crois que c'est Monfray. C'est Adrien Monfray. Mais en tout cas, c'est une très mauvaise passe de Tourbet qui essaie de faire une passe en retrait et puis au final bah, ça tombe dans les pieds d'un attaquant boulonnais, donc c'est une erreur qui coûte cher pour le gamin du club de Tourbet. Ouais. Les autres matchs, United Bournemouth 0-0, Vallecano Betis 0-0 et AS Rome Com 0-0. Voilà, donc on va en parler de ce match puisqu'il y a de gros enjeux en Italie, c'est très serré. Comme d'habitude, on va débriefer d'abord ce qui s'est passé dans les autres championnats européens, commençant par l'Allemagne. Donc c'était en Allemagne la 14e journée avec d'abord une surprise. Est-ce que c'en est une? C'est la défaite de Leipzig à Berlin. Alors Berlin qui est quand même pas n'importe qui cette saison, c'est le début de saison pas trop mal, Mais en tout cas, surprenante défaite 3-1 quand même de Leipzig qui laisse un peu filer Bayern quand même. Ouais, pourtant Leipzig a globalement eu le ballon sur ce match. Effectivement, après c'est vrai que Berlin, l'Union Berlin a vraiment eu des occasions les plus franches dans ce match. Et puis voilà, ils ont su convertir les quelques occasions vraiment les plus nettes qu'ils ont pu avoir. Là où Leipzig a quand même mis du temps, ils ont aussi eu des occasions bien sûr, mais Leipzig a mis plus de temps. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour que Leipzig se réveille, et surtout après l'ouverture du score qui est intervenue quelques minutes avant à la 57e. Les humanistes sont vite revenus aussi quelques minutes plus tard également. Au final, en 6-7 minutes, il y avait déjà 2-1 pour Berlin. On a vu les trois premiers buts de cette rencontre. Et Berlin a continué à pousser, n'a pas abdiqué hein, contre Leipzig. Après, tu l'as dit. Berlin, ça reste une équipe assez compliquée à jouer. Alors, ils font pas non plus un gros début de saison parce que ils sont finalement dans le ventre mou un petit peu de classement, dans le sens où ils sont 8e. Mais voilà, ils sont déjà un peu, peut-être pas largués, c'est pas le mot, mais ils sont déjà 6 points derrière. Francfort qui est juste devant 7e. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une équipe pas simple à jouer, mais Leipzig n'est pas non plus dans une forme incroyable en cette partie de la saison, même s'il sortait comme d'un gros match 6-0, on s'en rappelle. On n'a pas fait l'émission la semaine dernière, mais on n'était pas là, mais ils avaient quand même fait un gros score la semaine dernière. Mais c'est vrai que ça c'est un vrai coup d'arrêt quand même pour Leipzig. Effectivement, tu l'as dit, on va en parler après, mais voilà, c'est un petit peu le week-end où il fallait essayer de revenir sur le Bayern, puisque le Bayern n'a pas gagné. Exactement, on va en parler dans un instant. Avant cela, Leverkusen qui fait un bon coup, qui est le seul finalement du top 4 à avoir gagné, c'était face à Cologne, victoire 2-0. Ouais, match assez plein de Leverkusen, c'était un match important dans ce petit classique de la Bundesliga, c'est en tout cas le gros match de cette journée, de cette 14e journée. C'est pour ça aussi, ça a pu être pour ce confiné un peu déstabilisant pour une fois que Dortmund et le Bayern ne jouent pas le samedi, parce que voilà, faut savoir que les plus gros matchs souvent se jouent le samedi en Allemagne, et notamment le samedi en fin de journée là comme ça, et c'était le match entre Leverkusen et Cologne qui était désigné comme le gros match de cette journée. Mais oui, Leverkusen, pour revenir là-dessus, a fait son match. Je suppose que t'as vu Rémi, pour ceux qui n'ont pas vu le but incroyable de Martin Terrier, je vous invite bien sûr à aller le voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les discos partout. Ouais, je sais pas si tu l'as vu du coup, hein, beaucoup du scorpion, hein, magnifique. Ouais, mais ouais. Magnifique. Mais ça fait plaisir hein, parce que lui, Martin Terrier qui est revenu donc de sa grave blessure au tendon d'Achille il y a quelques semaines maintenant. Et il recommence à marquer des buts, en plus sur un geste comme ça, magnifique, marqué du talon comme ça, un petit peu zlatanesque ce geste. Donc c'est super aussi pour lui, en espérant que ça le relance vraiment dans sa carrière, on va dire. Et puis Andrich, hein, donc ça c'était à la 66e minute de jeu, hein, c'était après l'heure de jeu. Et 6 minutes plus tard, c'est Andrich qui va marquer le 2-0 pour Leverkusen. Mais voilà, c'est globalement un match et un résultat mérité. Hein, Leverkusen qui a mené de bout en bout dans ce match, même si il y a eu quand même du gâchis aussi au niveau de la finition. Leverkusen aurait pu espérer marquer plus, mais voilà, il y a quand même eu pas mal de frappes qui sont parties dans les nuages. Et c'est seulement 6 tirs cadrés sur 17 au total à la fin de ce match. Mais l'important était là. Cologne n'a pas été très dangereux dans ce match, si ce n'est pas du tout, à part sur peut-être une occasion que j'ai en tête, mais voilà, Leverkusen a fait le job, et tu l'as dit, en plus, voilà, dans ce top 3, top 4, c'est les seuls à avoir gagné, donc c'est une très belle opération pour le Bayern Leverkusen qui sont faits ce week-end. C'est ça, il reste quatrième, le classement. En fait, le classement a pas bougé, hein, dans les 7 premiers, hein. Mais ils ont pas pris de place, mais ils ont quand même grappillé des points. Sur Dortmund notamment, tenu en échec à Fribourg, un partout. Voilà, face à une équipe un peu du ventre mou, donc là aussi c'est pas un bon résultat pour Dortmund. Non, effectivement, face à une autre équipe assez pénible à jouer aussi, Fribourg, ouais. Match nul un partout, donc où Dortmund avait un peu peiné, n'était pas non plus bien entré dans son match. Et c'est Rami Ben Sebaini, hein, l'international algérien, qui va ouvrir le score pour le BVB à la demi-heure de jeu, à la 31e minute. Voilà, Fribourg restait quand même plutôt tranquille, hein, même en cette première période, même après ce but. Et puis il y a ce fait de jeu finalement qui va un petit peu faire le match. C'est ce carton rouge de Job Bellingham, hein, le petit frère de Jude, à la 53e, et ce qui fait que la Fribourg va vraiment prendre l'ascendant dans ce match. et bah voilà, multiplier les offensives, les attaques, et bah enfin, enfin il va quand même falloir attendre la 75e, donc une petite vingtaine de minutes plus tard après ce carton rouge pour Dortmund, pour l'égalisation de Fribourg, hein, de Höller à la 75e, je l'ai dit. Donc voilà, forcément très mauvais résultat, via notamment effectivement ce fait de jeu, mais il y a eu voilà beaucoup de choses. Il y a quand même eu très peu de jeux de produits offensivement de la part de Dortmund. Ils auront su tenir quand même sur les différentes offensives. Ouais, parce que ils auraient pu, Fribourg avait beaucoup de possibilités quand même. Ah, c'est ça, ils ont eu des possibilités, mais même chose aussi, ça a manqué d'efficacité devant. Il y a eu beaucoup de déchets également dans les frappes, voilà, sur 21 tirs. Enfin, on parle pas toujours stats, enfin les stats ça veut tout rien dire, ça dépend selon les matchs, selon la physionomie. Mais voilà, mine de rien, quand même 21 tirs et seulement 6 tirs cadrés, c'est trop peu parfois. Pour des fois c'est suffisant, hein, c'est le foot aussi pour gagner, mais là pour le coup non, et ça s'est senti. Mais c'est dommage parce qu'il y avait un vrai coup à jouer pour Fribourg. Voilà, pour essayer de se rapprocher des places européennes et essayer de se rapprocher de ce top 7. Fribourg qui reste 9e après ce match nul, donc c'est dommage pour eux, mais voilà, on va dire que c'est un bon point de Fribourg-Dortmund, parce que c'est vrai que ce match il était pas facile, mais ils ont pas su se le faciliter, encore moins je l'ai dit avec ce carton rouge. Donc on peut dire que ouais, vu la physionomie du match et en voyant ces 90 minutes, Dortmund peut repartir relativement heureux quand même avec le point du nul. Et puis bah, le Bayern qui aurait pu profiter, hein, de tout ça, de ses contre-performances derrière, pour prendre encore plus le large, même s'ils sont déjà bien devant. Mais finalement ils auront évité leur première défaite en championnat. Ouais, exactement, le Bayern qui a été évité de cette première défaite avec cette égalisation d'Harry Kane, encore lui, hein, bien sûr, qui va marquer sur penalty à la 87e en toute fin de match, alors que ouais, il y avait 2-1 pour Mayence. Alors que c'était le jeune Karl, le jeune Allemand, qui avait ouvert le score juste avant la demi-heure de jeu. Et c'est Podolski pour Mayence. Mayence qui est toujours d'ailleurs lanterne rouge, hein, et c'est ça qui est un petit peu le paradoxe de ce choc, de ce match-là. C'était le premier contre le dernier. Là où Mayence n'a gagné qu'un match depuis le début de saison, où le Bayern n'avait encore jamais été mis en échec, on va dire, à la Lens Arena cette saison, je crois, où... Non, je ne sais pas, ça peut être... Non, il y a peut-être déjà un match à la Lens Arena, je dis peut-être une bêtise, à vérifier. En tout cas, il restait sur une série de 7 succès consécutifs à domicile, le Bayern. C'est quoi, tu disais les 7 victoires consécutives? Ouais. À domicile? Ouais. Alors, je vais vérifier, vas-y. Pardon, à vérifier, c'est si justement il n'y avait pas déjà eu un match nul à domicile depuis ce début de saison. Il me semble qu'il y avait déjà eu... À domicile, il y a eu un nul, mais c'était à l'extérieur. Enfin, c'est à l'extérieur. À Berlin, à l'Union Berlin. Ouais, ouais. Mais sinon... Ouais. Ils ont fait que deux nuls en championnat, mais... C'est que leur deuxième nul, ouais. Ouais. Donc oui, mais le Bayern qui s'en sort bien. On s'attendait à un match beaucoup plus facile que ça, alors même si pourtant ils l'ont vraiment mené à la baguette, hein, ce match, hein. Mais Mayence, sur les vraiment très peu d'occasions qu'ils ont pu avoir, pour le coup ils ont su être cliniques, je le disais, par Podolski juste avant la mi-temps dans les arrêts de jeu, et puis par Ali à la 67e pour le 2-1. Donc ouais, un vrai petit coup de massue pour le Bayern sur ce match-là. Après bon voilà, c'est à quelques jours des vacances aussi, il y a peut-être un petit peu de relâchement, il y a toujours des absents, hein, de marque, mais aussi des petits jeunes qui continuent à grappiller du temps de jeu, dont le buteur Karl, encore une fois, qui est vraiment très bon. Voilà, il profite vraiment de la place laissée encore par Jamal Musiala, qui est encore blessé. Bien sûr, il n'est pas revenu encore, la pépite allemande, mais c'est vrai que pour l'instant, Karl, il s'est vraiment très bien installé dans l'entrejeu, dans mon numéro 10, on va dire, derrière l'attaquant, ici avec le Bayern. Donc, puis même Bischoff, hein, latéral gauche, allemand également de 20 ans, qui enchaîne les titularisations aussi et les bonnes performances. Mais voilà, ouais, un petit Bayern Munich quand même sur ce match. Alors après, ils ont aussi manqué de réussite, hein, parce que les occasions, ils les ont eues. Mais voilà, c'est des matchs, ça arrive aussi, hein, voilà, le Bayern depuis le début de saison, c'est une vraie machine de guerre, donc ça peut arriver aussi les petits coups de mou, les petits coups de frein comme ça. Mais c'est vrai que c'était sûrement pas à domicile et sûrement pas contre cet adversaire-là que je pense on aurait tous mis une pièce, quoi. Donc c'est un point du nul qui change pas grand chose au final, encore une fois. Ils ont tellement une avance voilà, grandiloquente au classement, 9 points d'avance sur Leipzig. Le goal average, on n'en parle même pas, un plus 40 pour le Bayern, voilà, ça reste voilà un résultat moyen, mais il y a zéro catastrophe, pas d'incidence pour l'instant. Bah, le classement, tu l'as dit, hein, 9 points d'avance pour Munich, 38 pour 29 pour Leipzig, et Dortmund aussi. Leverkusen donc reprend quelques points et est toujours à 4 avec 26 points, comme Hoffenheim, Stuttgart 25, Francfort 24, et puis après il y a quand même un petit fossé, hein, on l'a dit, Berlin 18, Fribourg 17. En bas pour le moment, c'est Heidenheim et Mayence, donc qui a failli faire un gros coup, mais qui a quand même pris un point face au Bayern. Ils sont pas nombreux à en prendre un contre le Bayern cette année. Bah, ils l'ont. C'est pour ça que c'est un gros coup quand même. Hein. C'est ça. Pour Mayence, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il y a peut-être des regrets et se dire bon, on a presque pu gagner face au leader. Bon, c'est déjà un point. Ils sont toujours derniers avec 7 points, mais c'est un point qui pourra peut-être compter plus tard. Voilà pour le classement. Et puis tiens, un mot, puisqu'on aura un choc en quart de finale de Coupe d'Allemagne entre le Bayern et Leipzig. Voilà, ce sera l'affiche d'un des quarts. Ce sera pas tout de suite, ça sera que mois de février, mais il y aura ce choc là. Ensuite, ce sera une autre rencontre entre équipe de Bundesliga Leverkusen 5 pour Ali. Puis ensuite, ce sera que des rencontres entre D1 et D2, donc Hertha Berlin contre Fribourg et Holstein Kiel face à Stuttgart. Voilà, ce seront les quarts qui ont été tirés là pour la Coupe d'Allemagne. Un petit regard sur la prochaine journée. Puisqu'il y aura une journée en Allemagne ce week-end, contrario de la France, ce sera la 15e journée. Alors bien, bah évidemment, on va se cocher ce Leipzig-Leverkusen. On peut évidemment, oui, se cocher ce match de tableau, évidemment, entre le 2e et le 4e. Et là, pour le coup, ça pourrait peut-être bouger, ouais, au classement. Donc effectivement, samedi à 18h30, ouais. Voilà, bah c'est l'horaire du gros match. Donc, voilà, au niveau de la programmation télé, je veux dire, en Allemagne, c'est le match du samedi à 18h30, évidemment. Donc c'est le gros match à ne pas manquer en Allemagne pour cette 15e journée aussi. Voilà, après, c'est un autre match qu'on peut cocher. Si on veut être un petit peu faire les puristes, on peut cocher Stuttgart-Offenheim dans le sens où c'est le 6e contre le 5e, pardon. Donc ça peut aussi venir titiller le pied du podium. Donc on peut cocher ça après. Le Bayern ira à Heidenheim, hein, c'est pas un gros match, mais on va essayer de retrouver le chemin de la victoire pour eux. Ok, c'est très bien de se noter. On va poursuivre avec l'Italie et la 15e journée. Alors l'Italie, on va en parler, c'est quand même relativement serré, hein, ce classement. Hier, la plupart des gros clubs ont joué hier. C'est le cas du Milan AC qui aurait pu être leader, mais ils n'ont pas réussi à s'imposer face à Sassuolo, et du coup ils resteront deuxième, mais c'est déjà quand même un bon résultat. Oui, un bon résultat, oui et non quand même, mais surtout s'en remettre aussi grâce à un doublé d'un petit jeune latéral, David Bartezaghi, de 19 ans, petit jeune, un grand jeune, hein, qui fait 1m93 quand même, ce petit David est là, donc voilà, mais ça reste ça reste quand même un coup d'arrêt aussi pour Milan. C'est dommage de pas avoir ces 3 points là, parce que avec ces 3 points là, il serait aujourd'hui premier. Donc c'est quand même une contre-performance pour le Milan AC, encore plus à domicile. Mais c'est vrai que Sassuolo a plutôt bien mené la danse dans ce match, même si Milan avait subi l'ouverture du score, mais Sassuolo, mais Milan pardon, a ensuite repris le dessus avec ce doublé de Bartezaghi et 2-1. Mais Sassuolo a été plutôt bien en place tactiquement dans ce match et a fait le job pour tenir en échec le dauphin aujourd'hui du rival interiste. Mais ouais, c'est quand même une très mauvaise opération pour ces rossoneri là. Et oui, puisque du coup derrière on avait notamment l'Inter qui jouait, mais on avait d'abord Naples qui fait la mauvaise opération du week-end, qui aurait aussi pu prendre la première place après cette conférence de Milan. Et c'est raté aussi, défaite, même c'est encore moins bien face à Udinese. Ouais, c'est vrai que Naples était sur une plutôt bonne série en championnat. En championnat, oui, ils enchaînaient plutôt les bonnes performances, les bons résultats, notamment dernièrement contre la Juve ou encore la Roma ou l'Atalanta. Ouais. Donc c'est vrai qu'on les voyait pas forcément s'arrêter net comme ça face à l'Udinese. Donc ça, ils enchaînent leur deuxième défaite consécutive, toute compétition confondue. Ils avaient déjà perdu contre Benfica là en C1 en Champions League, mais c'est vrai que là, ils étaient assez méconnaissables sur ce match-là. Ils ont très peu existé. Udinese a vraiment pris le match à son compte. Naples a eu plutôt la possession du ballon, mais Udinese s'est vraiment montré très très dangereux sur ces situations offensives. Alors ils ont marqué qu'un but, hein, tardivement, 73e minute, l'Udinese, le seul but du match. Mais ça suffit, mais c'est vrai que Naples a été plutôt muselé quand même et n'a pas su trouver la faille du tout dans cette défense à Udine. Donc c'est vrai que c'est aussi un très mauvais résultat pour le Napoli, qui aurait aussi pu espérer, pourquoi pas, la première place également. Et c'est l'Inter qui en a profité, du coup, sachant ce qui s'était passé avant, ils ont pu en profiter pour aller gagner au Genoa, et qui du coup reprend les commandes de cette Serie A. Ouais, mine de rien, pour le coup, eux dans le haut de tableau, dans ce top 3 là, c'est les seuls qui ont su trouver le chemin de la victoire et les 3 points. Malheureux, mais au final, parallèlement, c'est aussi été un match compliqué pour l'Inter, comme ses concurrents directs. Ils ont réussi quand même à gérer leur avance de 2 buts depuis la 38e minute de jeu avec le but de Lautaro Martinez, et puis Bissek a ouvert le score à la 6e minute. L'ancien Marseille Vitinha a réduit l'écart à la 68e en fin de match. L'Inter a soutenu, mais c'était pas si simple du tout, parce que le Genoa, oui, s'est rebiffé quand même en seconde période aussi, même s'ils n'ont pas eu sa propre occasion. L'Inter a globalement géré, mais c'était, le Genoa aurait pu espérer, même si ça n'aurait pas forcément été mérité à 100%, mais Genoa a eu des occasions pour égaliser à 2-2, donc c'est une très belle opération pour l'Inter quand même, effectivement, et de permettre de reprendre cette première place assez poursuivant, qui eux n'ont pas géré, on l'a dit juste avant. C'est ouverture du score il y a quelques minutes de United, sa Bournemouth, but de Amad Diallo, donc ça fait 1-0 face à Bournemouth. Et pour les autres rencontres, bien sûr, tu nous tiens au courant pour Boulogne 3, mais sinon pour les autres matchs, pas de mouvement. Et puis enfin la Juve, voilà, qui toujours un petit peu décroché, mais qui s'accroche qui essaie de s'accrocher avec cette victoire face à Bologne. Ça permet quand même de rester et de revenir cinquième désormais face à un concurrent direct, hein, qui était devant avant la rencontre. Bah ouais, c'est ça. Donc ouais, excellente opération de la vieille dame, hein, tu l'as dit. Bologne qui était devant et qui on le souligne depuis plusieurs semaines, continue son petit bonhomme de chemin depuis la saison dernière, qu'ils ont pleinement réussi. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il y avait une certaine pression dans ce choc. Pression qui a peut-être aussi amené ce carton rouge, hein, pour les Bolognais à la 69e de Egem. Et juste avant, il y avait déjà eu l'ouverture du score 5 minutes auparavant de Cabal pour la Juve. Et forcément, cette supériorité numérique pour les Turinois, ça a permis de tenir le score après. Mais ça n'a pas non plus été un gros match, un match facile pour la Juve, évidemment. On sait à quel point, encore cette saison aussi, gagner, c'est pas toujours évident pour la Juventus. Donc c'est trois très bons points de prix pour eux. Mais Bologne, c'est vrai que c'est pareil, c'est dommage de pas être reparti avec au moins un point de ce match-là, parce que Bologne a quand même eu aussi des belles opportunités, a eu l'occasion, a eu le ballon également. Il y a ce carton rouge là qui vient un petit peu fausser la physionomie de ce match. C'est dommage pour eux, mais après voilà, c'est l'effet de jeu, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage pour Bologne aussi. Et tu l'as dit, la Juve qui s'attend à la Juve de repasser devant Bologne avec 26 points, ça se tient à un point. Donc c'est un très bon résultat pour eux, contrairement à Bologne. Le classement donc, l'Inter, on l'a dit, a repris les commandes, 33 points. Le Milan assez 32 points, Naples 31. Alors la Roma joue en ce moment, donc en 4 victoires, quoi qu'il arrive, ils resteront 4e, peut-être avec 30 points, ou bien 28, ou bien 27 points s'ils venaient à perdre. La Juve est 5e avec 26. En revanche, c'est Côme, parce que c'est quand même oui. Un grand match. Hein. Oui, c'est Côme qui est 4e. C'est Côme qui reprend la 4e place, exactement, ouais. Et la Juve reglisserait à la 6e place. Et Bologne est la 7e, donc oui, il y a du mouvement qui peut se faire sur cette rencontre. Lazio est 8e avec 22 points, qui de son côté a battu Parme aussi, donc c'est important pour Lazio qui regrappille un peu, hein, qui fait une saison un petit peu sur courant alternatif et qui enchaîne des résultats un petit peu partis différents. Donc ils essaient de s'accrocher aussi, Lazio, ils sont assez présents quand même à cette 8e place. Et en bas, Vérone, Pise et puis la Fiorentina, toujours serait de victoire. Ouais, c'est compliqué pour la Fio. Encore perdu Par contre, un adversaire direct, toi, tu l'as évoqué, hein, le 18e et la Zérone qui a, ouais, qui a battu la FIO. Donc, en plus, voilà, perdre forcément ces matchs contre des concurrents directs au maintien, ben, du coup, ben, c'est forcément, ça fait plus d'écart entre ces équipes-là. Donc, ouais, là, c'est, alors, ça devient vraiment catastrophique pour la FIO. Hein. C'est surprenant qu'elle ait fait une saison correcte l'an passé, hein, qu'elle ait fini 6 ou 7e, 7e peut-être, 8e. Ouais, bon, globalement, c'est un peu leur place, hein, la Fiorentina, ça a toujours été un petit peu dans ces places-là, dans ces eaux-là, mais là, c'est vrai que c'est assez impressionnant cette saison, ce qui se passe là-bas. C'est vrai que ce serait intéressant de faire un vrai zoom dessus un jour où on aura peut-être un peu plus de temps, je sais pas, mais peut-être en période de trêve hivernale, un lundi, tu vois, où on pourrait qu'on s'informe un peu plus dessus, mais c'est vrai que c'est assez, il y a quelques joueurs en plus qu'on connaît dans cette équipe, hein, bien sûr Moïse Kean. Ouais. Il y a aussi l'attaquant islandais Gudmundsson, qu'on a déjà pu voir, Doria, hein, qui est le gardien quand même. Oui, quand même, c'est pas n'importe qui. L'ancien United, mais c'est vrai que voilà, c'était pas le plus demandé des gardiens dernièrement, mais c'est vrai que là, c'est une situation vraiment très très compliquée pour la FIO. C'est assez impressionnant. Bah écoute, on aura peut-être l'occasion de se repencher sur ce club-là prochainement. En tout cas, ce qui nous attend là aussi, puisqu'on va jouer pendant ce week-end en Italie, on aura du coup... De toute façon, ça va pas s'arrêter pendant les fêtes, hein, l'Italie non plus. Ouais, dans l'Italie, on joue. Il y aura une journée également entre Noël et le jour de l'an. Donc les matchs de ce week-end, 16e journée, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a la Juve à AS Rome, à Roma quand même. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait, qu'on peut cocher. Ce sera samedi soir, d'ailleurs, c'est le grand match de cette journée. Et puis, comme AC Milan, hein, qu'on peut cocher, forcément. Oui. Milan actuel deuxième, on le disait tout à l'heure, et puis comme aussi, hein, qui est quand même bien classé. On va voir, on le disait, selon le résultat de ce soir face à la Roma, ça peut être un très beau duel, enfin, c'est quand même un beau duel de haut de tableau aussi. Tout à fait, bah, donc ce sera ce week-end à suivre cette rencontre. Très bien, voilà pour l'Italie, ouais, qui va jouer du coup à tout ça, tu le disais, tout au long de cette trêve, hein, comme en Angleterre d'ailleurs. Oui, bah, le fameux Boxing Day. Ouais, ouais. Et c'est à peu près tout, je crois que voilà, l'Espagne aussi doit s'arrêter, hein, pendant cette pause, quoi qu'il jouera début janvier, donc il y aura juste toute petite pause d'une semaine. Justement, l'Espagne, on en parle tout de suite avec la 16e journée. Ça joue aussi en direct, hein, c'est la mi-temps, hein, ça, entre Boulogne et Troyes. Oui, tout à fait, oui. Mais du coup, j'avais la tête sur les fiches espagnoles, donc j'avais pas la tête. Très bien, ouais. Mi-temps. Et puis, mi-temps, un partout, toujours entre Boulogne et l'Estac. Et donc, Alecano Betis, 0-0, on en parle tout de suite de cette championnat espagnol. Donc, avec d'abord l'Atlético Madrid qui recevait Valence, donc c'était samedi après-midi, pour là aussi rester accroché au top 4. Hein, ça se bagarre toujours autant et ils ont réussi à bien le faire avec une victoire 2-1. Ouais, c'était important pour l'Atlético de trouver les 3 points aussi après 2 défaites consécutives en championnat. Donc, il fallait se relancer pour les colchoneros, ça a été chose faite. Dans un match qu'ils ont relativement géré quand même si Valence a posé un petit peu de soucis, notamment au milieu de terrain. C'est pas non plus une équipe facile à manier, Valence, même si c'est à nouveau cette saison assez cata là-bas. Ils sont actuels 17e, hein, et à égalité avec le 18e Gérone. Mais voilà, l'Atlético qui a pourtant ouvert le score assez tôt dans ce match à la 17e par Coquet. Puis juste après l'heure de jeu, Valence a égalisé. Après, l'Atlético a vraiment s'est remis à pousser, à reprendre vraiment le contrôle du ballon dans ce match-là. Et puis, il y a pas eu un bel enchaînement de notre Grisi, d'Antoine Griezmann, qui va un petit peu aller chercher son but tout seul et qui va aller le marquer, évidemment. 74e minute, et ce sera le but de la victoire au final pour l'Atlético. Donc, Griezmann qui revient plutôt bien en forme, hein, quand même, hein, sur ces dernières semaines, ces dernières journées. Donc c'est très intéressant de le revoir aussi à cette forme-là et ça contribue en plus forcément au bien de son équipe et de son club. Là, voilà, comme je le disais, c'est important pour eux de retrouver les 3 points parce que voilà, l'Atlético est au pied du podium, quatrième, hein, 34 points. C'est un point derrière Villarreal, sauf que Villarreal, ils ont deux matchs de retard, hein, par rapport à l'Atlético. Donc attention, oui, à l'Atlético qui est quand même un petit peu largué hein, par rapport au top 3, au podium. Est-ce que Villarreal a vu son match reporté face à l'Evente hier? Ouais, et ils ont quand même un point d'avance. Ouais, et Atletico a joué un match en plus, puisqu'il a joué déjà son match face au Barça en avance, un match avancé de la 10e journée, puisque Barça-Real, il y aura bien sûr la Super Coupe d'Espagne à jouer, du coup, ce sera début janvier, donc l'Atletico y participera aussi, donc le match avait été avancé de par cet événement. En tout cas, voilà, bah tu l'as dit, oui, hein, ça peut les décrocher, bien sûr, si toutefois ça gagne devant. On le suivra en tout cas. On aura ensuite parlé du Barça, justement, qui recevait Osasuna et qui va s'imposer, qui va rester leader grâce notamment à Rafinha. Ouais, c'était important forcément pour le Real aussi pour de gagner pour vraiment le Barça. J'ai dit Real. Oui. Oui, non, parce que j'ai pas lancé ma phrase. Le Barça, oui, bien sûr. Ça, c'était important pour le Barça, donc oui, de gagner, bien sûr, pour distancer le Real devant. Barça avec cette victoire contre 4 points maintenant d'avance sur le Real, qui a gagné aussi, on en reparlera après. Même si, ouais, ça n'a pas été un match simple pour le Barça, qui a vraiment eu le ballon, hein. Ça, il n'y a pas eu de soucis, ils ont eu des occasions. Mais Osasuna a été vraiment très bien regroupé derrière aussi, avec ce gros bloc défensif, et qui a permis vraiment de contenir pas mal de fois les assauts catalans. Et ça prouve aussi, et ça démontre le manque d'efficacité sur ce match-là des attaquants du Barça. Il a fallu attendre vraiment la fin de match, quand même, à la 70e pour l'ouverture du score de Rafinha, qui va ensuite s'offrir un doublé à la 86e. Et juste avant, ça avait été assez pauvre en tir cadré, et puis en vraie situation dangereuse de marquer pour le Barça face à cette équipe de Osasuna que t'as dit, qui était vraiment très très bien groupée derrière, parce que même eux, voilà, ils ont vraiment joué la perte du bus et sans se procurer vraiment d'occasion dans ce match. Voilà, victoire logique quand même du Barça. Ils ont eu du mal, je l'ai dit, mais ils gagnent très logiquement sur cette rencontre là grâce à ce doublé de Rafinha qui ça peut faire du bien de retrouver le chemin des filets sur ce match là un doublé, ça fait du bien. Et puis je le disais, forcément, distancer le rival madrilène au classement, c'est un très bon résultat quand même pour ce Barça-là. Et ben justement, le Real, c'était qui était le dernier à jouer hier soir, qui s'impose par la plus petite démarche de 1, mais bah, là aussi, il était très important de gagner. Ah oui, forcément, avec cette pseudo-crise de résultat. Enfin, bien sûr qu'au Pont Real, si, c'est une crise de résultat, ce qui arrive dernièrement. Et puis même au niveau aussi de la manière de ne pas forcément faire de résultats. Donc c'était évidemment primordial là pour eux vraiment de gagner. C'est bien sûr pour tout le monde c'est primordial de gagner, mais encore plus là pour ce club-là, pour ce coach-là, pour ces joueurs-là, de retrouver un peu de confiance et un petit peu de sursis peut-être pour Xabi Alonso aussi. Alors, on va voir ce qu'il va continuer à se dire encore jusqu'à cette fin d'année pour lui. Mais oui, c'est important pour eux d'avoir les 3 points, le Real, mais je vais me répéter aussi, ça n'a pas été simple pour eux sur ce match-là. C'est vrai que c'était un week-end où la plupart des gros dans le Big Five européen, ils ont un peu tous galéré. Même sur ce match-là, le Real qui s'est pas procuré beaucoup d'occasions, qui a su marquer quand même tôt grâce à l'éternel Mbappé, sans qui le Real n'arrive pas à tourner de toute manière, à la 24e minute. Et puis Rodrigo, ça y est, qui a retrouvé le chemin des filets là, d'ailleurs déjà depuis la semaine dernière aussi, il avait enfin remarqué Rodrigo. Donc c'est peut-être une bonne chose pour nous, espérons que ça le relance un peu au Real, et le Real qui manque un petit peu d'efficacité dans sa profondeur de banc, dans le sens où voilà, dans les différents choix tactiques depuis le début de saison, on a du mal vraiment à apporter plus d'efficacité lors des différentes sessions de changement que peut faire Xabi Alonso, même tactiquement. Donc c'est important aussi qu'un Rodrigo peut-être puisse retrouver un petit peu son talent et ce à quoi il nous habituait ces dernières saisons, contrairement à là depuis le début de saison. Mais voilà, le Real s'offre un petit peu de sursis, je l'ai dit, avec ces 3 points-là, mais surtout ça permet à ce qu'il soit pas totalement décroché du Barça à 4 points, on disait tout à l'heure. Donc c'est très important pour le Real d'avoir gagné à la veste. Ouais, puis ça fait du sursis à Xabi Alonso aussi, ouais. Ouais. Exactement. Bon, et ben voilà, tu l'as dit, hein, le Barça en tête avec 4 points d'avance sur le Real, 43-39. Le Villarreal, donc, pour l'instant, est 3ème avec 35 points. Mais bah oui, avec ces deux matchs de retard, hein, finalement, pourrait tout simplement passer devant le Real, hein, si jamais Ça gagne. D'ailleurs, bon, pour l'event Villarreal, on n'a pas encore le report, mais ça sera joué prochainement. L'Atlético est 4e, 34 points, du coup. C'est l'Espagnol Barcelone qui est 5e. Betis Séville, donc pour l'instant, qui joue ce soir, est 6e. Et puis en bas, on a Gérone, Oviedo et Levante pour les relégables. Du coup, dernière journée de l'année pour la Liga, ce sera vendredi, samedi, dimanche et lundi aussi. D'ailleurs, il y aura un match. On aura donc Real. Il y a un match primordial. Oui. Là, je te coupe. C'est le dimanche à 16h15. C'est ce dimanche à 16h15, c'est Villarreal Barça. Et oui. Justement, on parlait de Villarreal avec ses deux matchs de retard par rapport aux trois autres du top 4, Atlético, Real, Barça. Si en plus là, ils peuvent s'offrir le leader et encore engranger trois points, ce serait une énorme opération pour Villarreal. S'ils gagnent là et qu'ils arrivent à gagner leur match de retard, ils pourraient être premiers. Hein. Bon, on en est très loin, mais. Ouais. Et ça serait possible. Et ça commence par là. Voilà. C'est ça, ça commence par ça. Sur ce gros, gros match qui les attend dimanche. C'est ça. Avant ça, l'Atlético, plutôt dans la journée, à Gérone. Et puis, Real jouera le premier samedi soir face à Séville, qui recevra Séville. Donc, 9e. Et avant cela, avant tout ça, d'ailleurs, il y aura une soirée Coupe du Roi, Coupe d'Espagne. Ce sera mardi, mercredi. Donc, tous les matchs de ce tour, ce sont les 16e de finale, c'est ça. Donc ça commence même dès demain, ces rencontres. Donc il y aura le Barça demain, se déplacera à Guadalajara, donc ce sera à 21h pour le Barça. L'Atlético sera mercredi soir du côté de l'Atlético Balear, donc qui se déplacera dans les Baléares. Et puis le Real ira mercredi soir également à Talavera. Voilà. Club Talavera, ce sera donc pour ses 16e de finale de cette Coupe du Roi. Voilà, ça attaque maintenant pour les gros clubs espagnols. Et donc après, on enchaînera bien sûr avec le championnat ce week-end. Donc voilà, deux matchs cette semaine avant une trêve, courte trêve, hein, puisqu'ensuite on rattaquera assez rapidement début janvier pour... Le 2, ouais. Donc il y aura une petite coupure quand même pour ces clubs espagnols. On continue avec l'Angleterre. Alors les directs, justement, un petit point là-dessus. Égalisation de Bournemouth à l'instant. Bah, justement, on en parlait de l'Angleterre. Et c'est Bournemouth qui vient égaliser par l'intermédiaire d'Antoine Semenyo pour Bournemouth, le Ghanéen, donc qui va égaliser. Donc pour Bournemouth face à United, et puis dans les autres matchs, c'est la mi-temps, on l'a dit, hein, entre Boulogne et Troyes, ça va reprendre dans quelques secondes d'ailleurs, dans quelques 3-4 minutes. À Roma, comme c'est pareil, c'est la mi-temps, puis Vallecano, Betis, pour l'instant toujours pas de but. L'Angleterre, justement, eh bien parlons-en, c'était là aussi la 16e journée. 16e journée avec Chelsea qui jouait le premier, qui recevait Everton. Succès important pour Chelsea pour essayer de rester dans le coup, même si devant ça s'est un peu envolé quand même. Ça s'est un peu envolé, ouais, effectivement. Il restait sur Chelsea, les Blues, sur 3 matchs sans victoire là en première ligue, donc effectivement c'était un match très important, et c'est une victoire très importante pour eux contre une équipe d'Everton qui, contrairement à ces dernières saisons, pour l'instant, je trouvais une équipe très intéressante à avoir joué, justement, et qui se place plutôt bien. Everton est 9e avec 24 points. Au final, ils avaient avec Chelsea que un point d'écart au coup d'envoi de ce match. Donc Everton, c'est vrai que c'est une bonne équipe vraiment cette saison, qui propose du beau jeu aussi, je trouve, cette équipe de David Moyes. C'est vrai que c'était pas simple de dire que Chelsea allait pouvoir facilement se relancer, peut-être lancer sur une nouvelle dynamique positive, et justement essayer de ne plus trop être largué par le dessus de ce classement là, même si oui, là ils sont encore, même avec cette victoire, à 5 points du podium, hein, Aston Villa qui est 3e, mais effectivement là c'était vraiment le moment où il fallait pas encore perdre des points pour eux, sous peine d'être, on l'a dit, définitivement largué, enfin définitivement en tout cas grandement largué. Mais ils ont fait leur match, ça n'a pas été simple, hein, quand même, bien sûr. Palmer avait ouvert le score assez tôt dans la partie à la 21e et le Français Malogusto à la 45e qui va doubler la mise et puis Chelsea voilà va se faire quelques frais notamment en seconde période aussi mais va réussir à garder ce résultat là et c'est ouais trois points très très importants on l'a dit pour essayer de voilà de rester accroché en, à peu près au pied du podium. Toujours samedi on avait du coup ensuite Liverpool qui jouait. Alors Liverpool ça va beaucoup mieux hein, c'est vrai, enfin ça va beaucoup mieux. Ah, beaucoup. Ça va mieux. Ça va mieux. Ah, mieux. En tout cas puisqu'il y a Liverpool là il reste quand même sur une bonne série sans perdre hein, En deux semaines c'est vrai que c'est enfin deux semaines cinq matchs sans défaite. C'est toutes complètes sont confondues je crois. Donc c'est pas mal mais de voilà. Ouais, pas la grande forme non plus. C'est bon. Il y a eu des nuls dans le lot mais voilà quand même il y a un petit peu de mieux dans ce qu'on a vu jusque là quoi. Il y a un peu de mieux parce que oui quand tu regardes notamment le nul qu'il y a eu que le spectaculaire le 3-3 face à Leeds, c'est quand même Liverpool qui se met un peu dedans hein. Oui parce qu'ils doivent garder le score. Oui. Et quand ils gagnent 2-0 et qu'ils se font monter 2-2 et puis ils regagnent 3-2 et puis tout un match 3-3 donc je vois c'est des matchs comme ça où on voit que cette équipe ouais, n'est pas totalement guérie. Maintenant, pour revenir à ce week-end, voilà, oui, trois points quand même, c'était extrêmement important pour eux, bien sûr, pour continuer sur cette bonne série, quand même, évidemment, de résultats, de ne pas retomber dans ces travers. Donc, très bonne chose pour eux, avec le retour aussi de Mohamed Salah dans le groupe, ouais. Sur le banc, bien sûr, hein, lui qui, bah, ça y est, va partir maintenant pour la CAN. Donc, c'était somme toute logique, hein, de toute manière, qu'il ne... Alors qu'il réintègre le groupe, effectivement, mais qui ne commence pas titulaire aussi. Alors déjà, oui, de par les affaires qu'il y a eu dernièrement avec ses sorties dans la presse, dans les médias, forcément qu'il allait peut-être pas retrouver sa place directement après avoir été mis à l'écart en Ligue des Champions la semaine dernière. Et puis surtout, évidemment, Arne Slot qui n'allait pas complètement déséquilibrer l'effectif qu'il a mis en place justement pour pallier à l'absence de Salah durant la CAN, qui pourrait manquer bah, voilà, entre 3-4 et 7-8 matchs selon le parcours de l'Égypte, évidemment. Donc ouais, il n'allait pas bouleverser tout ça, tous ces automatismes qu'il a peut-être pu mettre en place pour pallier, pour préparer cette absence-là de Salah durant ces quelques semaines de CAN. Bref, mais Liverpool a quand même fait le job, même si Brighton aurait pu aussi voilà faire plus de mal que ça à Liverpool. Ils ont eu des occasions également, les Seagulls. Globalement Liverpool a bien tenu, c'était très serré quand même dans ce match, mais Liverpool a eu le dernier mot grâce notamment à notre Frenchie Hugo Ekitike qui a marqué un doublé, très bonne chose pour lui notamment dès la première minute de jeu, donc très bonne performance de sa part également qui enchaîne plutôt aussi les bonnes pertes ces dernières semaines, donc c'est une bonne chose évidemment à titre personnel pour Hugo Ekitike. Et bien sûr Liverpool voilà les trois points c'est important là après tout tous ces revers qu'ils ont pu avoir depuis 2-3 mois c'était vraiment important de gagner encore en plus à la maison en dessous devant ses supporters. Ouais, et puis finalement bah quand on regarde le classement, bon pour le podium c'est compliqué mais finalement par rapport à Chelsea avec 2 points par rapport au 4e. Ouais, bien sûr oui, ils sont qu'à 2 points à 2 points du 4e tu l'as dit et puis ils sont qu'à quelques buts de goal average de la Ligue des Champions en soi. Maintenant, c'est le but pour Liverpool quand un club comme Liverpool qui est champion en titre, qui joue les premiers rôles depuis plusieurs saisons en Angleterre, sur l'histoire récente. T'es quand même pas censé être 6e, 5e ou 4e, quoi. Donc, mais forcément là, avec la physionomie de ce début de saison, oui, on peut se dire que ils sont pas largués, quoi. Par rapport au podium, il y a déjà un écart, tu l'as dit, mais ils ne sont pas totalement largués, mais ils n'ont plus beaucoup de jokers, parce qu'ils en ont grillé vraiment beaucoup quand même. Oui, bien sûr, mais oui, il va falloir faire une grosse deuxième partie de saison, ça c'est clair. Ça, c'est sûr. Et puis, on ne sait pas encore si ce sera avec ou sans Mohamed Salah, oui. Justement. Est-ce qu'il y aura un fameux départ dès cet hiver? Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que... Selon la CAN aussi, voilà, c'est un gros feuilleton hein, quand même, là, qui nous attend cet hiver, hein, Mohamed Salah. Oui, bah oui, c'est complexe là. Ça, le départ en Égypte, ça va peut-être lui faire du bien. On verra. En tout cas, eh bien Liverpool pour l'instant est 6e. Arsenal qui s'en sort très bien face à Wolverhampton qui va prendre 3 points, mais voilà, qui peut être très heureux de les avoir. Cette proche du Chopin, ouais, Arsenal, effectivement. Ouais. Ils s'en sortent très bien, tu l'as dit, dans toute fin de match, dans le temps additionnel, en 90+4, pour aller décrocher cette victoire. Et le 2-1. C'est une équipe qui n'avait pas gagné encore, qui avait pris que 2 points. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a pire que la Fiorentina, comme quoi. Oui. Wolverhampton, c'est vrai que c'est assez impressionnant aussi. De voir ce genre de perf. Je sais pas si. Alors, on se souvient de l'année dernière, c'était. On le dit à chaque fois, c'était quelle équipe en Angleterre qui était. Sunderland. Qui avait fini avec 12 points. Et... Non, pas Sunderland. Southampton, pardon. Southampton, mais. Southampton, là, on a Wolverhampton, donc là, et on a la Fiorentina, là, pour l'instant. En Italie, vraiment, ma mémoire me fait grand défaut, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs quand même dans les grands championnats comme ça d'équipes vraiment larguées pendant à deux points, pendant ouais. Près de 15 points, matchs. C'est vraiment pas beaucoup, 2 points. C'est très très peu. Je crois pas. On avait Metz une année qui avait très mal démarré, mais les 2 points, je. De là avoir peut-être 2 points en 15 matchs. Je suis pas certain, non. Ouais. Parce que ouais, t'as vu, Metz était bien parti pour faire un semblant de choses pas, un semblant de parcours pareil il y a encore quelques semaines. Metz, on s'en rappelle, ensuite enchaîné 3 victoires d'affilée en championnat. Et puis on en parlera tout à l'heure, mais ce qu'elle, franchement, ils ont pas été ridicules contre Paris. Hein, oui, c'est vrai. Alors, même si Paris, encore une fois, joue un peu avec le pied levé depuis quelques semaines aussi, a des absences, c'est sûr. Mais Metz, on en parlera tout à l'heure, mais n'a pas été du tout ridicule. Mais oui, Arsenal, ouais, proche du faux pas, Arsenal, ils ont eu proche du piège, effectivement, face à cette équipe de Wolverhampton qui compte seulement 2 points. Donc je le disais, grâce à ce but salvateur à la 90+4, un CSC hein, de Mosquera, le joueur de Wolverhampton, alors que Arsenal avait déjà marqué sur un CSC une vingtaine de minutes auparavant, à la 70e, CSC de John Stone. Voilà, donc ça faisait 1-0 70e. Wolverhampton qui égalise justement à 90e grâce à Aro coup d'arrêt. Et donc voilà, c'est 2-1 90+4. Donc ouais, franchement, Arsenal qui s'en sort très très bien. Même s'ils ont eu bien sûr la main mise sur ce match, ils ont eu le ballon, mais offensivement c'était assez cata. Hein. C'était assez cata et voilà, très peu de grosses occasions ou alors vraiment des gros loupés. Il y a quand même eu un montant de toucher hein, pour les Gunners, mais voilà, ça a été assez cataclysmique. Quelle somme ils ont touché dans le dernier geste. Comment? Ils ont touché quelle somme? Quelle somme? Ils ont touché un montant, tu dis? Ah oui, d'accord, ouais. On en est là. On en est là, ouais. T'as 2-1 pour United. C'est Casemiro qui marquait ce but juste avant la mi-temps et ça permet à United de reprendre les commandes avant la pause. Ça les fait combien ça au classement en direct? Et bah là avec ce but, il repasse 5e juste à égalité avec Chelsea hein. Donc c'est un but qui vaut beaucoup. Je t'ai dit quoi? Tu m'as dit qu'il y avait déjà un point, non, donc ils sont à 26. Attends, alors c'est peut-être pas actualisé. Non, pour moi, ils sont à 28. Donc ils sont à 28, donc ils sont égalité avec Chelsea à 4e place. Enfin, ils sont juste derrière le goal average, mais je pense que le classement n'a pas été actualisé sur. Actualise-le. Ben je fais ça de ce pas. Non, mais tu vas me faire ça, oui. De ce pas. Je clôture sur Arsenal, voilà, oui, 3 points qui ont failli leur filer sous le nez. Voilà, ouais, c'est ça, cinquième. Cinquième. Progressif, cinquième. Égalité de points avec Chelsea, goal average moins bon, mais du coup, ça recolle avec cinquième, ouais. Ouais. Tout à fait. Donc pour Arsenal, oui, 3 points. Je l'ai dit qu'on fait leur. Cinquième, hein, sinon. Pour rentrer avant de finir, monsieur. Faut pas rester là, monsieur. Faut pas rester là, monsieur. Pour rentrer chez vous. Arsenal, voilà, oui. Bon, Arsenal a gagné, ils sont premiers, c'est très bien. Voilà. Et United qui mène aussi 2-1 d'ailleurs, hein, et qui. Il serait 5e du coup aussi. Ah, le score reste là. City. Il serait pas égalité avec Chelsea des fois. Il serait bien égalité à la 4ème place avec 28 points, ouais. On est bien là-dessus. Ah, ouais. Alors ça joue au goal-à-virage. Bah du coup au goal-à-virage. Ah oui, la différence de but. Ouais, c'est ça. Ouais. Et l'autre club de Manchester, c'est City, vainqueur à Crystal Palace. Et belle opération et quand même plus être premier si Arsenal n'avait pas réussi à s'imposer. Mais bon, il reste toujours à 2 points en embuscade. Ouais, donc rôle de match entre guillemets pour City, qui gagne très proprement 3-0. sur la pelouse de Palace, effectivement, mais au final, City s'est procuré très peu d'occasions. C'est, je crois, 7 tirs, je vais vérifier vite fait, je crois que c'est 7 tirs. C'est pas beaucoup, ouais. Bah, c'est pas beaucoup. Mais ils ont été précis, 6 cadrés, donc c'est. 6 cadrés, 3 buts. Donc, C'est quand même une bonne. C'est un bon ratio. C'est un bon ratio, mais c'était assez étonnant, ouais, de voir un petit peu cette belle machine offensive, en tout cas, qu'on peut voir avec City depuis le début de saison, notamment les buteurs du week-end, hein, le doublé d'Erling Haaland, le but de Phil Foden, ou encore le passeur décisif, entre autres, Ryan Cherki. Donc voilà, c'est trois fantasques qui nous offrent du beau football depuis le début de saison avec City. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, ouais, de les avoir vus galérer offensivement. Palace a eu plus d'occasions de marquer, plus de frappes tentées dans ce match, mais voilà, comme quoi tu peux avoir plus d'occasions ou tirer plus de fois au but. Encore une fois, il faut être clinique, et quand t'as des grands joueurs comme peut posséder Manchester City, ça fait tout de suite la différence avec ces notamment ces trois-là que j'ai cités, hein, Foden, Cherki et Haaland. Donc un très bon match, une très belle opération de City, ouais, même si la manière dans l'ensemble n'était pas là, mais ils ont su être bons quand il fallait, notamment sur le dernier geste. Donc ça leur permet d'être de rester dauphin d'Arsenal à 2 points des Gunners. Exactement. Et du coup, derrière, on a Aston Villa, surprenant 3e, hein, qui a gagné encore à West Ham, c'était samedi, 3-2, donc il reste 3e. Là aussi, en embuscade, hein, 1 point derrière City, donc 3 points derrière Arsenal, donc c'est vraiment, ils sont dans le coup, hein. Villans, donc avec ses 33 points. On l'a dit, après, il y a quand même un petit fossé qui se creuse avec Chelsea, 4e, 28. Pour le moment, United, 5e avec 28, mais en direct, mais ça peut bouger bien sûr. Sinon, si t'es Crystal Palace qui est à 26, Liverpool et également. Il a gagné avec Chelsea, Et du coup, il a gagné avec Chelsea. La lourdeur. Chevalier Aspalès, le mec, c'est. Sunderland qui est 6. Sur égalité! Okay. Tu fais mieux que moi. Vous qui voyez. Ils sont égalité, les deux. On a United, donc voilà, pour l'instant, avant le match, c'est 8e, mais ça va évoluer. Tottenham, 11e. Alors Tottenham, loin, mais ils ont encore pris 3-0 face à Forest. Là, donc c'est Tottenham, c'est pas ça encore cette année, 11e. Forest, justement, 16e, qui ressort qui s'écarte un peu de la zone rouge grâce à cette victoire. West Ham, Burnley, alors on l'a dit, Wolverhampton, qui a déjà 14 points de retard sur le Leeds 17e, hein, ce qui est déjà incroyable. 14 points, c'est fou. Donc 2 points seulement. Jusqu'où peuvent-ils aller? On verra. Voilà pour l'Angleterre. Alors, bien sûr, ça va jouer ce week-end, bien entendu, avec encore des matchs intéressants. On aura Everton Arsenal, qui est pas mal, ça. Bah ouais, donc oui, comme je te disais que j'aime plutôt bien Everton depuis le début de saison, en tout cas je trouve que leurs matchs sont plaisants. Donc ouais, ça peut être intéressant de voir ce match là, ouais. Samedi bien soir, sûr, c'est le match du samedi soir. Après, on a Fulham Forest lundi prochain, c'est pas une grosse affiche. Villa United, si, Villa United, bien sûr. Villa 3e, United peut-être 5e. Ah. Si jamais c'est 5e, eux qui sont, je crois, à égalité avec Chelsea en direct. C'est ça, avec 28 points. Ouais, ça joue au Beverage d'ailleurs. Non, mais oui, on peut citer ce match-là, effectivement. Dimanche à 17h30, ouais, ce sera l'une des belles affiches, en tout cas, de ce dimanche. Voilà pour cette journée du 17e. Enfin, j'avais pas fait gaffe, mais il y a Tottenham Liverpool, mais bon, Tottenham. Oui, j'avais pensé, mais ouais, Tottenham. Mais au final, il y a quand même 4 points d'écart entre les. Oui, finalement, classement. Entre les deux équipes aussi. Hein. Mais avant ça, on aura pour certains les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. La League Cup, ce sera donc demain, Chelsea se déplacera à Cardiff City pour donc ce premier quart. Mercredi, 2 rencontres, Manchester City, Brentford et Newcastle, Fulham. Et puis mardi, mais la semaine prochaine, le 23, c'est Arsenal qui recevra Crystal Palace. Voilà, Arsenal ne jouera pas ce quart cette semaine. Voilà pour les quarts de finale donc de la Coupe de la Ligue. Et puis ensuite, bien sûr, il y aura une journée, ce sera le week-end du 27-28, et il y aura à nouveau une journée donc le 30 décembre, 30 et 31. Et à nouveau, une journée le 3 et 4 janvier. Hein, ça va s'enchaîner. Il y aura la Cup, hein, la FA Cup le 10 janvier. Enfin, on commence déjà à aller un peu plus loin, mais oui. Ça va enchaîner. Il y aura une journée le 6 et 7 janvier aussi, entre les deux. Hein. Ah, 3, 4, 6, 7, la cup en week-end, ce week-end-là, et puis ensuite, ça enchaîne le 17. Donc ouais, ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas en Angleterre. Voilà pour ce point en Europe. Alors, c'est la mi-temps, donc, en Angleterre, United mène 2-1 face à Bournemouth. Et en Espagne, Vallecano Betis 0-0. Voilà, il n'y a pas de but. La Roma a repris aussi face à Côme, ça n'a pas bougé 0-0. Et puis, bien sûr, tu suis toujours Boulogne 3. Où on est toujours pour l'instant un score de 1 partout, pratiquement à l'heure de jeu. Continuons avec ce qui se passe en France, avec d'abord un mot de national, où la belle opération de l'USO qui a battu Versailles 2-0 à domicile vendredi face à une équipe qui était devant, hein, donc c'est vraiment une très belle opération. Orléans passe 3e grâce à cette victoire, 26 points. Dijon et deuxième, notamment à cause d'un match nul à Châteauroux, donc 30 points. Et puis Rouen, toujours leader, qui prend les commandes grâce à sa victoire face à Quevilly-Rouen, 32 points. Donc 32, 30, 26 pour Orléans, Sochaux, Aubagne, Versailles, 24. Voilà, c'est relativement serré ensuite, mais il y en a deux quand même qui se décrochent un petit peu. Pas de match, bien sûr, avant le mois prochain. On aura la Coupe de France et ensuite la trêve. Et ensuite, ça reprend que le 16 janvier. Hein. Puisque, me semble-t-il, il y aura un autre tour de coupe le 10 et 11 janvier, hein, je crois. Hein. Donc, il n'y aura pas de match, ou peut-être pas, je dis peut-être des bêtises, il y a peut-être quand même un championnat. Non, il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas de match avant le 16 janvier. Donc, ça fait quasiment un mois de trêve si on enlève la coupe. Donc, ça fait très long. Voilà pour donc ce championnat de national. Un mot de Ligue 2 aussi, puisque c'est 3, on le dit, qui domine le classement, qui pourrait même prendre 5 points d'avance si ça se passe bien ce soir. Pour l'instant, ils en prendraient 3 en direct. Saint-Étienne est deuxième avec 30 points. Le Mans aussi, qui fait une belle opération grâce à sa victoire face à Annecy, et prend la troisième place, laissé par Reims, qui de son côté est tenu en échec par le Red Star, qui reste à égalité d'ailleurs avec Reims, et personne ne fait une belle opération là entre cette équipe de Reims et de Red Star, qui reste avec 29 points, Dunkerque 27, et puis en bas, alors Montpellier reste 8e avec 25, hein, qui n'est pas décroché, mais il s'agirait de prendre quelques points, et puis en bas, Boulogne, Laval, et puis c'est très compliqué, une seule victoire, 8 points. Déjà bien décroché, qui a déjà 10 points de retard sur Nancy, 15e. Donc relativement compliqué pour eux. En Ligue 2, par contre, reprise le 3 janvier, hein, puisqu'on aura une journée à nouveau à partir du 3. Voilà pour la Ligue 2. Et bien sûr, terminons avec la Ligue 1, ce qui s'est passé lors de cette dernière journée de l'année. C'était la 16e journée. Donc d'abord, on avait Angers qui recevait Nantes. J'ai hâte du débrief de Marseille-Monaco quand même. Oui, moi aussi. On fait un peu de teasing, mais j'ai hâte. Angers recevait Nantes, l'opportunité de repasser en première partie de tableau pour Angers. Pour Nantes, essayer de s'extirper un peu de cette zone rouge. Et c'est Angers qui était au-dessus. Hein. Finalement, il n'y avait pas de match. Hein. Angers était quand même supérieur sur la rencontre encore. Ouais, Nantes qui s'enfonce dans la crise. Avec ce nouvel entraîneur Ahmed Kantari qui est arrivé la semaine dernière, après l'éviction de Luis Castro, c'est ce qui n'est pas une grosse surprise quand on connaît un petit peu la méthode de management d'Exta à Nantes. Ça a quand même continué sur les mêmes bases, hein, pour le FC Nantes effectivement. Avec cette petite pilule reçue à Angers 4-1, même si Nantes s'était donné un petit peu d'espoir en revenant un peu au score à 2-1 à la 81e, grâce à un but de 211, mais Angers qui a ensuite repris le contrôle du match directement après ce but-là, Nantes n'a pas su en profiter, et va reclaquer deux buts en fin de match, hein, durant les 10 dernières minutes, les Angevins, grâce notamment à Djibirin ou encore à Raoul Issoa, ça sera encore un match plein des Angevins, mais en même temps, voilà, c'est une adversité aussi faible que Nantes. Voilà, c'est assez, assez facile de s'imposer. Donc, ouais, très gros résultat pour, enfin, très bon résultat pour Angers qui, du coup, est dixième. Voilà, donc ça permet de prendre de l'air quand même par rapport à aux différents poursuivants derrière. Et mais Nantes, ouais, qui, j'ai dit, s'enfonce dans la crise et reste vraiment dans le 17e dans cette zone rouge avec 11 points. Ouais, c'est sérieux. Bah, on en parlera aussi tout à l'heure. Rennes qui se relance hein, après cette claque reçue au PSG la semaine dernière et finalement qui fait une bonne qui sont une bonne période. Il y a eu 4 victoires du coup avant cette défaite face à Paris et du coup bah qui enchaîne encore avec un nouveau succès. Ah ouais, on trouve une belle équipe de Rennes hein, mais bien sûr depuis plusieurs semaines si on met quand même de côté le 5-0 reçu la semaine dernière au parc, là, au Parc des Princes, match à part, mais enfin quand même, ils en ont quand même pris 5 quand d'autres équipes en ont pas pris autant. Mais voilà, ils ont su rebondir effectivement, même en subissant l'ouverture du score de Brest tôt dans le match à la 13e. Et puis ils ont vite renversé la tendance 10 minutes plus tard avec 2 buts coup sur coup, hein, d'Esteban Le Poll à la 24e et de Altamari à la 25e, donc ça faisait déjà 2-1. Et puis ils ont su gérer là où Brest c'est c'est un petit peu éteint, même si Brest a aussi eu des occasions, mais ils ont été trop maladroits, les Brestois. Et Rennes, on a profité pour enfoncer le clou en fin de match, hein, grâce à Meïté, 87e, 3-1. Donc, ouais, une belle victoire pour se remettre en jambes pour les Rennais. Et pour Brest, bah, du coup, reste milieu de tableau. Hein. Rennes, par contre, bah, ouais. Grappille est 6e désormais. Ouais, ouais. Ça, on retrouve un petit bump de fin, ouais, depuis tout à l'heure. Ça va pas mal. C'est parti. Metz, on en parlait tout à l'heure, bah, qui a pas fait un mauvais match face à Paris, ça n'a pas suffi, mais Paris s'est fait un petit peu peur comme en fin de match. Oui, c'est un peu le PSG qu'on voit depuis le début de saison face à, voilà, à des adversaires quand même nettement plus faibles, où ils font relativement le job, le strict minimum, et ça suffit voilà, généralement pour le PSG pour s'imposer. Voilà, Ramos a ouvert le score à 31e, quelques minutes plus tard, Jantou, le jeune milieu titi parisien, enfin ailier là pour le coup dans ce match-là avait doublé la marque 2-0 à la 39e. Puis ouais, Metz qui a quand même vite réagi aussi, 42e 2-1. Et puis Metz s'est herbicieux aussi, donc fait un très bon début de seconde période où ils auraient pu espérer égaliser à 2 partout. Et c'est Désiré Doué justement sur un contre hein, qui va venir marquer le 3-1 et crucifier un petit peu les Messins juste après l'heure de jeu, même si bah, le géorgien la petite star messine Tita Ishvili qui va marquer le but du 2-3 à la 81e et Metz a essayé de pousser toujours en fin de match pour essayer d'aller arracher ce point du nul. Malheureusement ils vont pas y arriver, mais franchement oui, on a vu une vaillante équipe messine qui était très plaisante à voir jouer. C'est un match assez ouvert, donc ouais, c'était un super match à suivre entre Messins et Parisiens, mais voilà, comme souvent c'est quand même Paris qui gagne à la fin. Victoire 3-2. Et pour finir samedi, on avait Toulouse dans le déplacement au Paris FC. Bah, Toulouse aussi qui finalement grimpille un petit peu au classement avec cette victoire. Et le Paris FC, bah, ça n'avance plus. Et lourde défaite 3-0 cette fois. Ouais, bah, le PFC qui paye encore ses grosses lacunes défensives. Bah, ça se voit de toute façon au final sur le score. Hein, 3-0, tu l'as dit, Toulouse qui enchaîne une seconde victoire de rang. Très beau match qu'ils ont fait à Paris ce week-end les Toulousains qui confirment ouais, leur forme récente avec un doublé de Beau notamment. Donc ouais, voilà, Paris a essayé de réagir quand même notamment en seconde période, mais a été voilà, assez peu agressif on va dire devant et n'aurait jamais été vraiment dangereux dans ce match. Voilà, ils auraient pu espérer de limiter un petit peu la casse en essayant de marquer un but, mais ouais, ça n'a pas été le cas. Et puis je l'ai dit, ils ont payé leurs errances, leurs lacunes et leur largesse défensive. Donc c'est un résultat quand même qui reste bien sûr logique, cette large défaite du PFC, cette large victoire du TFC. Ouais, qui a pu gagner depuis un mois et demi hein, le PFC, hein. Ça commence à faire. C'est compliqué, hein, mais c'est pour ça qu'on met beaucoup en cause aussi finalement le mercato estival qui nous semblait plutôt pas mal, et au final c'est très compliqué, notamment pour les recrues. Hein. Je pense à Demodest Simon, tout ça qu'on avait pu imaginer vraiment s'intégrer dans ce groupe, apporter un vrai plus, et même Otavio en défense, mais on voit depuis le début de saison, c'est vraiment compliqué. Moi, ouais, il connaît aussi. Ouais. Lyon maintenant, Lyon qui avait perdu sa dernière rencontre de championnat et sur le score d'un 0, bah cette fois c'est dans l'autre sens, voilà, c'est le minimum, mais un succès primordial quand même avant la trêve. Ouais ouais, c'est oui, trois points importants tu as dit pour l'OL qui a subi quand même, hein, face au Havre, le Havre qui aurait pu espérer repartir aussi avec plus de ce match-là malheureusement pour eux, mais Lyon a fait le job aussi, le minimum sur ce match-là, 0. Ils ont quand même eu aussi des occasions, Lyon, mais même chose, un peu de maladresse aussi, techniquement, dans le dernier geste aussi, forcément. Mais le plus important est là, les trois points, tu l'as dit, il fallait retrouver le chemin de la victoire pour eux, pour voilà, essayer de rester un peu accroché à ce quatuor de tête, si on peut appeler ça comme ça, de Lens première à Lille quatrième. Avec bien sûr Paris et Marseille entre les deux. Voilà, Lyon est à 5 points maintenant du podium, hein, de l'OM, et à 5 points de Lille également qui est quatrième. Mais donc c'est un match important pour eux à jouer. Ils ont évité le piège à vrai, je le disais. Donc et voilà, c'est une belle opération quand même pour les Lyonnais, forcément ce week-end. Égalisation de Bournemouth. Un match animé en Angleterre, c'est Evalinson qui a égalisé pour Bournemouth, le brésilien, fait deux partout. Et puis donc United n'est plus cinquième désormais avec cette égalité du coup. Et puis la Roma qui a ouvert le score face à Côme, ça c'est pour l'instant un but important pour la Roma, si ça venait en rester là, qui pourrait être un succès précieux. Pour l'instant, il reste beaucoup de temps encore. C'est une grosse demi-heure. Puis mi-temps toujours en Espagne. On poursuit dimanche hier donc avec le leader lensois qui passera l'hiver et qui passera les fêtes en leader avec une nouvelle victoire 2-0 et qui enchaîne encore. Et ça fait désormais 6 victoires consécutives pour les lensois. Ouais, 6 victoires consécutives. À l'inverse, Nice. C'est 6 défaites consécutives en Ligue 1. Voilà, c'est les parfaits opposés. Sur 2 buts en plus, alors, je sais pas si t'as vu, c'est un petit peu aussi le running gag sur les réseaux sociaux, notamment avec, on le voit depuis plusieurs matchs, le fameux commentateur de la chaîne télé de l'OGC Nice, qui transmet aussi leur match sur la page YouTube, je crois, ou Twitch, ou les deux, je sais que bref, on le voit s'agacer voilà, depuis forcément les mauvais. Et très mauvais résultats depuis plusieurs semaines. Il y a 8 consécutives si on compte Ligue Europa. Ça fait que 8? Je crois qu'on avait même plus, tu vois. Enfin, non, ça fait 8 quand même. 9, non, non, 9, pardon. Non, 9, ouais. 9? Ouais, 9, tu vois. J'en avais oublié un. 6 en championnat et 9 en tout, du coup, avec la Ligue Europa. Ouais, 9, dernière victoire le 29 octobre, c'était contre Lille. Ouais. Ça remonte hein, déjà, 29 octobre. Ouais, bientôt 2 mois, sachant. Oui, il y aura la Coupe de France là d'ailleurs aussi, mais on en parlera peut-être après, tu vois, un petit peu dessus je pense, mais il y aura un match contre Saint-Etienne, ça peut être un match pour Saint-Etienne, ça peut être le bon moment de taper Nice. Mais oui, donc je disais, c'est un petit peu le running gag qu'on a eu ce week-end, Lens sur ses deux buts, c'est la même opération. Centre d'Udol, tête d'Edouard. Centre d'Udol, tête d'Edouard. Et c'est vrai qu'Udol a vraiment régalé hein, sur ses centres, voilà, sur ce match-là, il a été vraiment très très bon, très très adroit et très juste techniquement. Et c'est vrai que ouais, Lens impressionne, continue d'impressionner. On se demande jusqu'où ils vont aller, si ils seront arrêtables à un moment, est-ce qu'ils vont avoir un petit coup de méforme. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très très propre, c'est agréable à voir jouer. Bon, forcément, quand t'as peu d'adversité comme Nice, qui est dans une crise interminable, c'est toujours plus facile, certes. Mais non, mais c'est vrai que Lens continue vraiment cette très grande forme. Garde sa première place, n'est pas complexé. Donc, franchement, c'est assez impressionnant de voir évoluer cette équipe-là. Donc voilà, victoire évidemment logique des Lensois et très importante pour cette première place qu'il garde. Et Nice qui s'enfonce un peu plus. Hein, qui s'enfonce un peu plus, ouais. Ouais, 13e, ouais. Ouais. Et avec 17 points, c'est attention, hein, faut vraiment commencer. Faut regarder derrière, là, ouais. Ouais. Auxerre-Lille, du spectacle, hein, 7 buts. 4 cartons rouges et Lille qui s'en sort finalement en étant très efficace hein, puisqu'ils ont marqué pratiquement sur chacune de leurs occasions et ils vont réussir à arracher cette victoire très importante bien entendu pour rester accroché au podium. Bah ouais, Lille qui s'en sort très bien. Auxerre qui aurait mérité mieux. Bah, on le voit depuis le début de saison puis on l'a dit plusieurs fois ici. Auxerre c'est compliqué cette saison quand même, hein, effectivement. Là, ils sont sur une place de barragiste encore, à la 6e place. Voilà, il y avait une petite crise même un petit peu en interne ces derniers temps, qui n'est pas forcément réglée à 100% d'ailleurs, mais à domicile, ça reste pénible à jouer. On l'avait vu notamment, c'était une petite contre le PSG, je crois, ou l'OM. Oui, contre Marseille, qui avait Marseille qui avait perdu 15-0, ouais. Ouais, exactement. Ils avaient réussi à faire 0-0 contre Lyon aussi. Qui avait perdu 2-1 contre Lens, hein, c'est des scores, ouais. C'est pas des valises à chaque fois qu'ils prennent. Non, c'est vrai, ouais, faut aller se coltiner, les Auxerrois, à la Baie des Champs, avec, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, un super maillot, pour leurs 120 ans qu'ils avaient, oui, ce week-end. Oui. Très très beau, avec la croix de Malte en plein milieu, et puis voilà, un style qui rappelle les maillots, du début du 20e siècle. Donc, ouais, très, très très belle pièce. De Macron, hein, l'équipementier d'Auxerre. Ah, je te coupe, ouais. But de Bornemousse qui prend les commandes désormais. L'équipe n'est plus du tout cinquième. Hein. Non, plus du tout. Pour le coup, là. Et c'est Marcus Tavernier qui va donner l'avantage pour Bornemousse. Et du coup, bah oui, pour l'instant, Manchester reste accroché à cette 8e place pour l'instant. Ouais, tout à fait. Donc, au sein de Lille, bon, voilà, oui, gros match, mais au final, oui, 4-3 pour Lille, mais Lille sur ce match-là, c'est que deux occasions. Hein. Oui, c'est fou d'ailleurs. Hein. C'est 8 tirs, 2 occasions. C'est assez dingue avec 5 tirs cadrés et 4 buts. Ouais, c'est retentissant d'efficacité aussi, mais bon, c'est quand même trop peu de se procurer aussi peu d'occasions dans ce match-là, mais bon, là pour le coup, on peut quand même qu'applaudir l'efficacité lilloise, mais bon, c'est vrai que c'est dommage pour Auxerre qui méritait mieux sur ce match-là, effectivement. Et ils avaient mené combien de fois, ils menaient 3-1. Oui. Non, 3-2. 3-2, pardon, ouais, 3-2. Parce que Bentaleb avait... Il perdait 3-2, il y a eu trop de buts. Il perdait 3-2 au Auxerre, il gagnait 2-1. Voilà. Non, qui ça qui menait 2-1 au Auxerre. Donc, Auxerre menait 2-1, c'est ça. Il menait 2-1. Oui, c'est ça. Il perdait 1-0, il menait 2-1. Ouais. Bentaleb a égalisé à la 117e, Djaoun a marqué le 3-2 pour Lille à la 80e. Ensuite, penalty donc pour Auxerre, 3-3, but de Sinayoko, et puis Benjamin André... à enchaîner en fin de match pour le 4-3. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de buts en fin de match aussi, ça allait très vite. Mais Auxerre qu'on a pu, oui, espérer repartir avec au moins le point du nul, ils auraient vraiment mérité. Mais Lille, on l'a dit, a été diablement efficace dans la finition. Et puis bon, il y a eu ces histoires forcément de carton rouge qui a un petit peu faussé à chaque fois un petit peu l'un ou l'autre. Mais ça a été vraiment le grand match du week-end, et excellente opération pour Lille, qui permet d'être à égalité avec l'OM, hein, troisième, on va en parler après. Donc, c'est trois points qui étaient quand même importants, évidemment, pour les nordistes. Ensuite, on a Strasbourg-Lorient. Alors, très rapidement, il n'y a pas eu de but dans ce match 0-0. Ça n'a arrangé évidemment personne, surtout pas Lorient qui est un peu encore proche de cette zone rouge pour Strasbourg. Bah, c'est dommage, ça aurait pu permettre de recoller un petit peu au wagon du dessus, mais du coup, ça n'arrangera vraiment personne. Ouais, je parlais de Lorient, mais oui, bah pour Strasbourg aussi, c'est vrai que là c'est un quatrième match sans victoire pour eux en championnat. Contrairement à ce qu'on peut voir, aux visages qu'ils peuvent montrer, très conquérants quand même aussi en Coupe d'Europe, en Conférence League. Notamment, dernière fois aussi contre Crystal Palace aussi, où ils avaient fait comme un grand match, même s'ils ont été sortis un petit peu miraculeusement avec ces trois points face à Palace, mais je veux dire, en championnat, c'est vrai que c'est vraiment, ça tourne au ralenti pour Strasbourg, hein, même si sur ce match-là, ils ont quand même relativement dominé de bout en bout cette rencontre face aux Lorientais, mais ils n'ont pas su trouver la brèche effectivement pour marquer au moins un but et donc s'empocher les trois points. Donc c'est vrai que c'est encore une petite contre-performance regrettable pour les Strasbourgeois, ouais, parce que effectivement il commence à y avoir même un petit fossé, ouais, entre eux 7e et puis Rennes 6e. Donc attention à ne plus trop laisser passer de points, parce que ça peut vraiment se laisser distancer ces Strasbourgeois là. Ouais, et il pourrait avoir s'envoler les places européennes, donc ouais, il va falloir réagir. Le paradoxe, ouais. Oui, c'est que en Ligue Conférence, ils sont premiers, hein. Enfin, ils ont fait qu'un nul et Strasbourg est premier en conférence, ouais. Ouais, donc bon, c'est, est-ce qu'ils laissent pas trop d'énergie peut-être dans cette coupe-là, bon, en tout cas, et il va falloir réagir et essayer d'être performant sur les deux tableaux pour cette deuxième partie. Et puis enfin Marseille-Monaco, voilà, le gros match qu'on attendait de cette journée, victoire 1-0 de Marseille et qui permet du coup de passer l'hiver, enfin en tout cas les fêtes sur le podium. Ouais, alors si tu me permets, je te laisse peut-être un peu commencer sur ton analyse du match, parce que on a un peu parlé, pour rien cacher à nos chers auditeurs ou auditrices, mais on a un peu parlé forcément pendant le match, on s'est échangé des messages. On le rappelle, moi supporter à Marseille, toi à Monégasque, donc on s'est un petit peu débattu pendant le match, mais on le disait quand même à la fin, forcément, c'est quand même c'est très mal payé pour Monaco, cette défaite. Ouais, parce qu'un nul aurait. Un nul aurait pu être logique. Oui, plus juste quand même. Monaco était dangereux quand même. Et presque une victoire de Monaco aurait pas été logique. Je te dis honnêtement, pour moi, ça aurait été plus logique que Monaco gagne quand même. Au vu de ce que j'ai vu comme jeu, Monaco est pas venu pour défendre, en fait. Ils sont vraiment venus, ça s'est vu d'ailleurs à la compo, venus avec quatre attaquants déjà, donc ils étaient vraiment, il y avait une vraie intention de venir attaquer, et ils l'ont bien fait. Ils ont eu pas mal d'occasions, il y a manqué de la finition, on en parlera, mais Balogun, pour moi, qui est pas décisif, malheureusement, il y a eu beaucoup d'occasions, il fait pas forcément les bons choix, même s'il marque un but qui est hors jeu, mais il est pas forcément efficace de ce qu'on peut lui attendre, mais Marseille qui défensivement pas été toujours au niveau. C'était cata hier, défensivement, ouais. Marseille quand même, ça a été un peu mieux en fin de match, on va dire durant les 15-20 dernières minutes à peu près, mais on a repris un peu du poil de la bête, notamment après le but de Greenwood, mais avant on se faisait prendre, enfin la défense marseillaise se faisait prendre dans le dos à chaque fois. C'est un petit peu la même recette, c'était compliqué même pour nos latéraux pistons, enfin nos latéraux, c'était compliqué. Aguerd, un peu de moins bien en ce moment, mais si pour moi ça reste le meilleur en défense, là, dans la défense marseillaise, mais voilà, c'est pour dire qu'il n'est pas dans une grande forme, mais il essaie de faire le taf comme il peut. Ballardi, quand il est rentré, c'était encore très compliqué. Hein, Ballardi, c'est il y a eu la petite étincelle, la petite surperformance l'année dernière où on le voyait vraiment s'imposer, il était capitaine et puis il commençait à enchaîner des bonnes performances, et là on a l'impression qu'il retrouve son niveau avec lequel on l'a toujours connu à l'OM avant la saison dernière. C'est très très compliqué, hein, c'est vrai que puis il y a eu ce but hors jeu aussi, enfin oui, c'est fait de jeu, refusé pour hors jeu, je suis pas sûr qu'on en parle forcément, enfin moi ça me tient un peu à cœur aussi. Alors moi j'ai envie de te dire, ça m'arrange plutôt pas mal cette histoire. Mais surtout que c'était un peu la semaine de ça pour l'OM, hein, avec ces deux buts refusés aussi en Ligue des Champions contre Saint-Gilles la semaine dernière. Il y a eu ce but-là, là, contre Monaco. Tu comprends, toi, le t'as refusé quand même pour Monaco ou pas? Parce que c'est difficile. Ce qui est expliqué après le match, hein, c'est que... Oui, c'est un jeu de position, oui. Mais au final, enfin, parce qu'en fait, il fait pas son jeu du tout, il touche pas le ballon, il gêne pas le gardien ou quoi. Il gêne Aguerd. Voilà, ouais. Il peut pas forcément intervenir, mais après, je sais plus qui c'est qui fait le centre, mais il y a déjà un joueur. Est-ce qu'il serait venu défendre là? Enfin, c'est un jeu de position. C'est quelque chose c'est des hors-jeux qu'on siffle plus depuis des années, et là, on se remet à siffler des hors-jeux de position qui sont un peu tirés par les cheveux. Bon, c'est comme ça. Après, c'est vrai que c'est dommage. Camara, le pauvre, qui a mis un beau but en plus, une belle frappe. Sur un moment, Monaco, putain, sur un temps fort, c'est dommage. Et puis il y a eu ce vrai but de Balogun, qui était vraiment hors jeu pour le coup, mais qui est arrivé aussi à un moment où Monaco était dans un gros temps fort, et en fait, ça a un peu coupé les pattes, je pense, parce que derrière, il y a ce but où on laisse un peu. Je crois que c'est Holzberg qui arrive à... Oui, c'est Holzberg, je crois, qui va faire cette passe à Greenwood. Ah. Il me semble que... Est-ce que c'est Holzberg ou c'est... je sais plus. Enfin, en tout cas, il est un peu... je vais essayer de retrouver, mais... c'est pas Tchalopa. Non, c'est bien Holzberg. Ah ouais. Ah, c'est bien, et qui se retrouve un peu seul et qui arrive à rentrer dans la surface. Je pense d'ailleurs qu'il allait frapper, et donc déjà lui est seul, et puis derrière Greenwood qui est seul aussi, qui arrive de derrière. pas plus qu'un placé. Ouais. Voilà, et en fait, le but, enfin, il y a eu cet ascenseur, il y a eu but, voilà, c'était match, pas match plié, mais enfin, voilà, il restait 10 minutes, en tout cas, tu dirigeais vraiment vers une victoire. Et derrière, pas de but, et finalement, ça les a un peu, je sais pas, ils sont un peu éteints, et ils étaient plus dedans sur cette action, et ça les a un peu assommés, et ouais, il y a ce but qui intervient. Et derrière, il y a eu quand même des occasions de revenir encore, hein. On peut mettre en avant aussi la performance de Rouli encore, qui a été énorme sur pas mal de... Il est énorme, c'est vrai, ouais, sur ses arrêts, pour se mettre au sol, il a les mains fermes. Des fois, il me fait peur quand même sur ses sorties un peu hasardeuses. Alors, même en fin de match, sur hein, sa quand ligne, il va chercher le ballon un peu haut. Ouais, c'est plutôt sur sa ligne. Moi, je pensais voilà, ou sur sa ligne. Il est très bon sur sa ligne, ça c'est sûr. Il ouais. a une frappe vers la fin où il est masqué, il arrive à te la bloquer. Ouais. Alors qu'il oui. arrive de nulle part et derrière, d'ailleurs, il y a oui, c'est Birette qui loupe, qui est pas très loin de marquer, mais qui est contré. Voilà, il y a des opportunités, mais ouais, je pense que c'était déjà trop tard. C'était avant qu'il fallait marquer. Il y a eu beaucoup trop de déchets de Balogun qui mieux qu'un que l'an passé, qu'un saison passée, mais qui est encore pas. J'ai quelques images en tête où il fait pas les bons choix, il donne pas les ballons dans le bon tempo ou sur Minamino notamment, qui a fait aussi moins un bon match à Minamino. Hein, j'ai trouvé dans l'ensemble même Balogun même avec Liouche Golovin hein. Globalement devant ça a été au niveau. Après il manque voilà au milieu de terrain, on a toujours Zakaria Kamara, mais il manque un... Minamino j'ai pas mais j'ai trouvé juste hein, hier moi il y a enfin, eu quelques situations où il a frappé maladroit quand même hein. Maladroit mais il a tenté ouais, il a tenté, c'est lui qui a tenté de plus je crois au but ouais bon après voilà, et derrière, il y a le retour de... Il y avait quelques retours de blessés qui n'ont pas joué. Hein. Eric Dier, Mawissa, ouais, qui était de retour de blessure, qui n'ont pas joué. Je te coupe deux secondes, juste carton rouge pour l'Estac. Oula, ça se complique. De Maronnier, le défenseur le numéro 2 de l'Estac. Et pénalty. On joue à 83e, mais j'ai pas vu l'action. Donc, et pénalty, du coup. Ouais, et pénalty. Non. Il n'y a pas pénalty pour... Non, ok, j'ai cru. Attends. J'ai cru qu'il y avait penalty pour. Si, je crois qu'il y a penalty, c'est possible qu'il y ait penalty. Si, ouais. Si, hein, c'est ça. Je pense que, alors, peut-être la faute commence un peu à l'extérieur, mais non, oui, dans le vrai tacle ou le vrai croche-pied, oui, il se fait quand même de la surface, donc. Après, penalty. Bon, bah écoute. Ça semble, ouais, penalty ouais. pour Bologne, ouais. On va le suivre avec toi, ce penalty, et donc, AS Rome, comme je rappelle, 1-0 toujours. Et tu vas nous confirmer si ce penalty a bien lieu et s'il est tiré ou pas. Pour l'instant, oui, j'ai vu le tireur boulonnais, en tout cas, s'emparer du ballon dans les mains. Pour l'instant, Keita, qui a subi la faute côté Boulogne, est toujours au sol. Hein, il reprend un petit peu des forces dans ses esprits, si j'ose dire. Et c'est, ouais, c'est Tcham qui devrait tirer. Pour l'instant, c'est confirmé. De toute façon, je pense qu'on l'a vu un peu au ralenti. Voilà, il y a ce croche-pied plutôt de Maronnier, ouais, sur l'attaquant boulonnais qui a, où il n'y a rien à dire, hein, quand même. Bon, bah écoute, ouais, s'il est tiré, c'est ouais. Ok, bon. Le temps qu'il soit tiré, ouais, donc voilà, donc, en tout cas, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, moi, c'est vrai qu'il manquait Ansu Fati qui, des fois, peut faire du bien, et là, il était encore absent. Donc, il manquait peut-être un ou deux éléments, mais, globalement, c'est pas une équipe inintéressante, mais les résultats suivent pas. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines où il y a des défaites, là, ça fait encore une cinquième défaite en six matchs, hein. Ça fait, alors, il y a eu cette victoire face à Paris. Voilà, qui sort de nulle part. On se demande comment elle peut arriver là. Il y a eu la victoire face à Galatasaray qui a été compliquée, mais qui a fait du bien. Et puis là, on rebascule dans autre chose. Alors, résultat, finalement, maintenant, il y a 9 points de retard sur le podium, hein. Donc c'est un fossé, hein. Ouais, tout à fait. Bah, puis... pour revenir sur l'effet de jeu, attends, parce que le pénalty va être tiré du coup côté Boulogne. C'est Pembele qui va le tirer. Il s'élance entre le gardien troyen. Ousmane. Et arrêt. Oh. Arrêt du gardien troyen. Énorme hein, pour c'est important pour les stacks. Hein, ah bah oui. Pour tomber cette première place. Pourtant il est pas. J'ai dit il est pas si mal tiré. Ah si, il est quand même mal tiré ce pénalty. mi-hauteur, presque en plein milieu, en tout cas un petit peu excentré côté droit, mais c'est vraiment voilà, le genre de penalty où les gardiens, c'est plus simple pour eux. Arrêter, mais ouais, donc Boulogne, alors ça fait quand même pour Boulogne. Donc ils vont essayer de pousser maintenant dans ces 5-6 dernières minutes, à 11 contre 10, mais voilà, ouais, 3 qui va essayer de tenir bon. Et puis oui, pour revenir sur Marseille Monaco, donc oui, on parlait de Sommer en jeu de position qui a été sifflé sur le but de Lamine Camara qui donc a été refusé pour Monaco. Et puis quelques minutes après, il y a cette main, alors je sais plus de qui, dans la surface. C'est Salissou, je crois. Ouais, Salissou, qui fait quand même une main grossière, je sais pas, alors elle est pas volontaire, ça je pense bien, mais c'est quand même le type de main où dans la surface, où depuis notamment quelques années, l'instauration de la VAR, c'est des mains qui sifflent. Et qui là n'est pas sifflé. On se demandait ça aussi quand on échangeait hier pendant le match par message, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme peut-être de compensation, quoi. Ouais. C'est pas impossible. Il y en a qui ont été sifflés, il y en a qui n'ont pas été sifflés dans cette situation. Ça paraissait un peu. On l'a pas revu beaucoup, hein. On l'a vu qu'une fois ou deux. Ils sont pas attardés trop dessus. La VAR, elle n'a pas été très longue. Je crois d'ailleurs qu'il n'est même pas allé voir. François Le Texier, ça a été décidé à distance et ils n'ont pas été très loin de décider. Donc, elle est un peu. Ouais, elle est pas. Il a grandi un peu sur la face de son corps. Après. Il faudrait la revoir, mais moi j'ai cru que c'était pénalty. Hein. Je me disais, on va perdre là-dessus, puis finalement, non. Bon. Après, ouais, tu parlais pour terminer rapidement de la vitesse de prise de décision, on va dire de la VAR et tout ça, du corps arbitral, même sur le but refusé justement de Balogun. C'était rapide. Ouais. Ça allait assez vite. Hein, ça, oui, parce que je croyais qu'il allait être rapide, appelé, pardon. Parce que je sais pas si tu te souviens un fait de jeu similaire, c'était quel match la semaine dernière, Nantes-Lens je crois, je sais plus, un peu une situation similaire de hors-jeu de position où finalement là le hors-jeu n'a pas été sifflé alors que le joueur fait plus action de jeu que celle de Balogun et elle avait été acceptée la semaine dernière. Donc, ouais, je revois. Tu m'as dit Nantes-Lens, ce serait. Je crois que c'est Nantes-Lens. Je dirais des bêtises, mais je crois que c'est Nantes-Lens hein, où on a ce but qui est marqué et que je t'inviterai à aller voir. Et je crois que c'est un CSC. Alors c'est pas ce match-là, je sais plus. Faudrait que je te le retrouve, mais c'est un CSC et en fin de compte le défenseur. Marque dans son but sur un centre et il y a l'attaquant qui est derrière, donc on se demande est-ce qu'il fait pas, il gêne pas le défenseur qui est obligé d'intervenir et de marquer dans son but, et la VAR a décidé que non, et mais elle était peut-être un peu plus flagrante que celle-ci, mais je te retrouverai, hein, je l'ai vu aujourd'hui et je sais plus quel match c'est, mais c'était un peu surprenant, mais voilà, en tout cas ça permet à Marseille de rester devant Lille, enfin en tout cas de rester à hauteur et de rester accroché au podium. Mais derrière pour Monaco c'est loin et c'est 23 points, c'est pas beaucoup, hein. Surtout 9e maintenant, il y a 9 points de retard pour l'Europe, enfin pour la Ligue des Champions, hein, ce qui est même s'il y a que 16 matchs de jeu, c'est déjà beaucoup. Hein. Ah ouais, déjà t'es oui, t'as quand même 4 points aussi avec la 6e place avec Rennes. Lyon, ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop de points de laisser passer quoi pour Monaco ces derniers temps. C'est vrai que tu le disais, hein, je sais plus combien de défaites qu'il y a eu là ces derniers matchs en Ligue 1. 5 en 6 matchs. Hein, C'est ça, 5 en 6 matchs là sur les dernières dernières rencontres. Il y a eu la victoire face à Paris qui a fait un peu de bien, mais finalement qui est un peu de l'illusion hein, finalement cette victoire, parce que derrière c'est Rennes, Brest, c'était pas des gros adversaires, hein. Il y a eu des grosses défaites, bon il y a eu Lens qui était un peu plus gros, mais sinon c'est des défaites face à des adversaires plus faibles normalement. Alors il y a peut-être de l'énergie laissée en Ligue des Champions, je sais pas, mais voilà, on attend aussi le retour de Pogba qui n'arrive jamais, qui est encore blessé. Cette fois à la cuisse, je crois, à l'entraînement. Donc, on ne sait pas s'il va pouvoir un jour apporter vraiment quelque chose à Monaco, parce qu'il a joué des bouts de match, des 10 minutes de match par-ci par-là. Et est-ce qu'il va vraiment pouvoir être décisif à un moment, j'en doute. J'en doute comme Ansu Fati qui est. Alors, si par là, mais attends, il a quoi? Il n'aime pas, c'est dommage, je peux pas. Il a joué 3 fois 10 minutes, je crois, même. 3 fois 10 minutes, donc, ce qui est évidemment trop peu pour essayer de faire des différences, mais j'ai bien peur qu'on ne le revoie jamais à. Décisif comme on a pu le voir avant, et puis Ansu Fati c'est un peu pareil, il revient aussi puis il se reblesse, même s'il a fait une... il reste très fragile aussi ouais, ce jour-là, ouais. Il a été il a fait un début de saison intéressant, il avait été quelques fois décisif, et puis depuis beaucoup moins, puis maintenant blessé, donc j'ai bien peur que ces deux-là ce soient un peu les mêmes profils au niveau des blessures et qu'on les voit beaucoup moins et qu'ils soient pas forcément décisifs, donc bon, à voir, à surveiller. En tout cas, voilà, le classement, on en a parlé pour le, voilà, jusqu'à la 9e place. En bas, c'est assez serré aussi. Auxerre, 12e, relégué, 12e, 12 points, 16e, barragiste. Nantes, Metz, 11 points. Metz, voilà, qui est finalement plus, complètement décroché avec, avec cette nouvelle défaite de Nantes. C'est la trêve, du coup, voilà, on rattaquera, à partir du 2 janvier. On aura un Monaco-Lyon qui serait très intéressant, hein, et là Monaco n'aura plus le droit à l'erreur, hein, évidemment, pour ne pas être complètement décroché. On aura Paris Saint-Germain, Paris Football Club, voilà le derby qu'on peut pas avoir plus proche, hein, cette fois-ci. Donc entre ces deux-là et parce que pareil, c'est un débat aussi que j'avais tout seul hier, hein, parce que j'étais tout seul. Je l'ai entendu même sur d'autres médias, mais ces fameuses appellations derby du Sud entre Marseille et Monaco. Oui, alors c'est pas tout à fait à côté. Faut arrêter, quoi. Marseille-Monaco, c'est pas tout à fait collé. Hein. Non, après, je peux comprendre que ce soit dans les classiques du championnat, Marseille-Monaco. Oui, c'est une grosse rencontre. Des décennies comme des gros représentants du foot français. Voilà, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on va dire, grosso modo. On comprend qu'il y ait toujours aussi une petite rivalité, voilà, une petite avec Marseille et Monaco, notamment dans les années 90 où c'était quand même de gros clubs aussi. Maintenant, l'appellation derby, non. Oui, non. D'accord. Nice-Monaco, d'accord, mais. Nice-Monaco, là, t'as un petit derby, vraiment, t'as une proximité directe, mais Marseille-Monaco, ça a jamais été à côté, enfin. Non. Fais en voiture, tu vas voir, tu vas passer un moment. Tu vas comprendre, ouais. Ah, ouais. Oui, c'est ouais. Non, mais c'est un petit aparté là-dessus. Mais c'est un match classique de la saison, hein, qui est attendu, ça c'est sûr. Oui, voilà. C'est pas, on peut pas dire le classique parce que c'est maintenant c'est le nom vraiment officiel de Paris Marseille, mais oui, c'est un des classiques, quoi, oui, de le championnat, ça c'est sûr. Ouais. Voilà donc pour la reprise. D'ici là, eh bien la Coupe de France, c'est pour ce week-end avec les 32e de finale. Ça y est, l'arrivée des Ligue 1. Donc ça démarre dès vendredi pour notamment Brest qui va à Avranches. On a Lens qui reçoit l'équipe de Feigny Aulnois. On aura Montpellier, tiens, Ligue 2 qui ira à Cannes au Roussillon. Angers, enfin, ira aux Herbiers. C'est tout pour vendredi. Ensuite c'est beaucoup samedi, bien sûr. Lille, Saint-Maur, Lusitanos, déplacement. On aura donc Paris qui ira à Fontenay-le-Comte. Club de N. Alors là, je t'arrête, pardon, j'ai loupé aussi parce que j'étais sur le calendrier de la Coupe de France. 2-1 pour les Stats, hein, oui, à 10 contre 1. Oh là là, incroyable. La belle opération. C'est Renaud Ripard, hein, le revenant qui a marqué, je crois, ouais. Dans les toutes dernières secondes, c'était vraiment. Ouais, c'est la 95e, on joue là. C'est un gros coup, hein. Ils auraient pu perdre il y a 5 minutes et là, ils vont même gagner, ils vont faire une belle opération au classement. Ouais, sur corner, qui est. Donc, premier temps repoussé au premier poteau par Bologne, et puis, petit cafouillage en défense, et puis c'est Ripard qui va, un petit peu redorer surface, pousser le ballon, aux 6 mètres, dans le but vide. Enfin, dans le but vide, non, il y a le gardien, mais, il faut attendre de déposer, non. Ça va voir, en fait. Il n'y avait pas de gardien, mais ils ont pas mis de gardien dans la combo, ils ont oublié. Mais, ça réclame, alors, la défense boulonnaise réclame, alors je sais pas si réclame un hors-jeu, ou une potentielle faute, ou, mais en tout cas, non, ce but est bien validé, puisque l'engagement va être effectué, mais là, ça va pousser, alors ça poussait déjà à côté Boulogne. Là, bah, ils ont réussi à récupérer ce corner, mais ils se sont trop projetés, peut-être. Ouais. Ouais, mais c'est assez exceptionnel comme fin de match, là, qu'on vit, ouais, au stade de la Libération de Boulogne. Là, ouais. 2-1 pour les Stacks, oui, c'était inespéré. Tu disais, encore quelques minutes avec ce carton rouge et puis ce penalty pour Boulogne manqué, enfin arrêté plutôt. Donc oui, je disais, le PSG en déplacement donc à Fontenay-le-Comte en Coupe de National 3. Ça c'est pour donc samedi. Lille ira, on l'a dit, donc Saint-Maur-Lusitanos, ça c'est un club de N2. Voilà, donc normalement largement à la portée. Trois, tiens, ira bah, justement Marc en Barœul, club de région. Et match qui finalement, oui, est prévu pour samedi. Oui. Parce que initialement c'était vendredi. D'accord. Avec la programmation télé, Beansport, tout ça. D'ailleurs, c'est quand même. Alors, il y a deux poids, deux mesures. Alors, là, on parlait de Marc en Barœul, trois. Trois partout, United, pardon. Égalisation de bord de United aussi. Face à Bordeaux. Plus cinquième. Toujours pas. Ils reprennent qu'un point. C'est Fernandez. Bruno Fernandez qui va égaliser. Pour d'un coup franc dans la lutte. Et fin du match hein, entre l'Estac Boulogne et l'Estac. Donc très belle opération. Un peu inespérée, grosse opération de 3. Du coup, 3 prend 5 points d'avance en tête du classement. C'est un très très beau, très belle opération. Ouais. Ouais, très belle opération avec cette physionomie, ce carton rouge en fin de match. Ouais. Et qu'est-ce que je disais justement, l'Estac, oui, tu l'as dit, qu'il y a Marc en Barœul, donc club de R1. R1, c'est ça, ouais. Si je me trompe pas. Un des petits pousses. Ouais. Donc oui, match initialement prévu vendredi, ils ont réussi à leur pousser le samedi, parce qu'effectivement, la plupart de ces clubs, alors de R1 ou même N3, tout ça, bah, évidemment, les joueurs travaillent à côté. Oui. Et c'est toujours sensible de travailler vendredi et de se préparer pour un match, c'est une équipe pro le soir. En soirée. Donc après, on peut comprendre dans l'autre sens, pour leur programmation télé, que tu peux pas mettre tous les matchs le samedi ou je sais pas quoi. Maintenant, c'est aussi le petit côté sympa là, c'est le Coupe de France, c'est qu'il y aura un multiplex le vendredi, le samedi et le dimanche, un bimport aussi. Et puis sur les canaux France 3 Région aussi seront diffusés. Bien sûr, ouais. Très bien, on sait pour samedi puis dimanche tous les autres, hein. Notamment Marseille à Bourg-en-Bresse, club de National. Qui nous avait réussi il y a il y a 10 ans peut-être un peu. Peut-être un peu moins de 10 ans, il y avait eu un 9-0 je crois, il me semble, si j'ai le bon résultat. Auxerre Monaco, ça c'est entre Ligue 1, ce sera donc là aussi dimanche. Nantes ira à Concarneau, Nice Saint-Étienne, on en a parlé tout à l'heure. Strasbourg Dunkerque, Le Puy Bordeaux. L'USO recevra Dieppe, voilà pour le dernier représentant du 45 club de N2, donc à domicile, ça c'est toujours sympa. Donc ça c'est samedi dimanche à 17h30. Hein, si vous voulez être au rendez-vous, c'est donc au stade de la Source. Le Havre, Amiens, Rennes. Rennes recevra club de N3, les Sables Vendée, Sables d'Olonne, et donc enfin Lyon recevra Saint-Cyr Cologne, club de régional. Alors je sais pas si c'est un ou deux, en tout cas c'est un club de régional, ça c'est certain pour les Lyonnais. Donc le match de dimanche soir, donc il reste 4-3 pour Manchester United. Voilà, quel match de fin de match aussi folle en Angleterre, qui marque coup sur coup. Cette fois-ci c'est Cunha, Mateus Cunha, le Brésilien, qui va redonner l'avantage. Alors deux minutes après l'égalisation de Fernandez, bah là ils reprennent l'avantage. Match de fou aussi en Angleterre pour l'instant, et United qui repasse cinquième du coup. Cinquième. À égalité avec Chelsea. Et ouais, grâce à cette. Ça se joue au goal à virage. Toujours au goal à virage, on est toujours là-dessus. Et c'est match de ouf. La Roma aussi qui mène 1-0 toujours, c'est pratiquement fini. Et si ça en reste là, eh bien on reviendrait quatrième, à un point de Naples, à 2 du Milan AC et à 3 de l'Inter. Donc ça resserre tout le monde. Voilà. C'est un fin de soirée folle. Une fin de soirée folle dans ces directs. C'est rare d'avoir des autant de retournements de situation dans ces matchs du lundi soir. Il y a que Vallecano. Plus calme en Espagne. Ouais. J'allais dire, Vallecano Betis, on n'a pas entendu beaucoup parler. Donc voilà, c'est vendredi, samedi, dimanche, 32e de finale de la Coupe de France. Voilà, avec tout ce qu'on vous a donné sur ces rencontres du week-end. L'agenda avant de se quitter. Avant ça. Pas de pronos pour le. On les fera que dans 15 jours. Bah, peut-être un petit point sur les résultats de ce week-end, alors. Oui, par contre, on fera un point. Et bah, pas de jaloux, 6 partout, c'est un bon score, quand même. 6 sur 9. Voilà, ce but de Marseille m'aura coûté la victoire. Malheureusement. Donc ça fait 6 partout. Alors, un point à la trêve, du coup. Alors, c'est paradoxal, mais sur les nombres de victoires, toujours avantage, pour moi, 11 à 7. 4 d'écart, c'est ça que je voulais dire. Et par contre, un nombre de points, 75-74 pour toi, donc un point d'avance. C'est, c'est que voilà, tu marques plus de points lors des victoires. Et qu'est-ce qui compte déjà ? Les points ? C'est les deux. C'est... On aura un trophée chacun, si ça reste comme ça. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est surprenant. Mais il reste la moitié d'une saison pour se refaire quatre victoires de retard. Voilà pour donc les pronostics. Retour dans 15 jours. L'agenda de la semaine. Sinon, on a parlé. Alors, on terminera avec le foot. Du côté du rugby, retour du top 14 après deux matchs de Coupe d'Europe. Donc, ce sera samedi et dimanche. On aura un Lyon-Toulouse. Ce sera samedi soir. Et puis Bordeaux-Bègles-Toulon. Ça, c'est une belle affiche de dimanche soir. Ça, c'est pour le rugby. Ensuite, on aura du basket, donc on l'a dit tout à l'heure pour l'OLB qui va recevoir vendredi La Rochelle. Il faudra gagner après cette claque reçue ce week-end dernier. Voilà pour le basket. En handball, avant la trêve, eh bien Saran va tenter de remporter un nouveau match, continuer sa série. En allant du côté du leader, c'est donc recevant pardon le leader Cournon d'Auvergne. Ce sera vendredi au Palais des Sports alésiens. En cas de victoire, ça pourrait permettre de revenir sur le podium et même peut-être premier en fonction de ce qui se passera dans les autres matchs. Ça sera un succès important avant de passer la trêve au chaud. Ils vont attaquer qu'en février, hein, donc voilà, ce sera important de bien se situer avant de réattaquer dans deux mois. Voilà pour le hand. Donc cette semaine aussi, étape de biathlon en France, ce sera à Annecy, le Grand Bornand. Ce sera donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je l'ai dit, c'est du classique sprint jeudi, vendredi, les poursuites samedi et les masters dimanche, les premières de la saison. Et enfin en foot, plein de choses cette semaine. Hein, voilà, donc on aura, alors notamment. Demain, plein de choses. Hein. Demain, on a en Angleterre la League Cup Cardiff Chelsea. Ça, ce sera demain. On aura aussi de la Coupe du Roi hein, cette semaine. Demain, mercredi, jeudi, on aura les restes des matchs de League Cup mercredi. Du coup, City notamment. On a aussi la finale de la Coupe Intercontinentale pour Paris, hein, qui affronte Flamengo dans cette Coupe Intercontinentale. C'est à 18h, voilà, puisque ça se joue à Doha. À suivre sur Bein Sport 1 ou M6, voilà, si vous voulez suivre la rencontre de Paris pour peut-être un autre trophée cette année, pour clôturer en beauté cette année. Donc, mercredi à 18h. Voilà, on a aussi Strasbourg qui joue en Conférence League. En Conférence League, ouais. Et oui, ouais. Puisque il y a pas de Ligue des Champions. C'est déjà mes derniers matchs de Ligue, hein, d'ailleurs. Et oui, c'est déjà la fin pour la fin de phase de poule pour la Conférence League, puisqu'on a on a que 6 matchs. Donc Strasbourg, le leader, reçoit. Je l'ai vu. Reda Blick. Merci, voilà. Reda Blick, 27e. Voilà, donc qui est pas dernier, mais qui est dans les enfin en tout cas bas de tableau. Donc il faut. C'est un club islandais, en tout cas. Ouais, quelques 5 points, donc Strasbourg avec une victoire s'assure la première place. Donc il faut gagner, hein. Enfin, c'est une équipe bien classée, en plus à domicile, donc victoire qui serait la bienvenue. Donc voilà, ça sera jeudi. Et puis donc toute la semaine, on l'a dit, Coupe du Roi, Coupe League Cup et Coupe de France ce week-end, du côté de tous ces 32e de finale qu'on a donné. Donc plein de coupes dans tous les sens. Là, Strasbourg en Ligue Conférence, il y a un peu de tout. Hein. C'est varié. Il y aura des gros matchs, il y aura des moins gros matchs. Il y aura un peu de tout. Donc, il y a de quoi faire, en tout cas, cette semaine en foot pour les derniers matchs avant les vacances, avant les fêtes. 4-4, Bournemouth. Voilà, c'est incroyable, ce match. Voilà. C'est fou. C'est Croupy qui a marqué, Junior Croupy qui a marqué pour le Français d'ailleurs. Junior Croupy qui a égalisé pour Bournemouth, match de fou. Hein. Donc c'est pas fini, ce match il reste encore, une petite dizaine de minutes avec le temps additionnel, donc il peut encore se passer des choses. Pour suivre la fin de match, c'est sur Canal+, si vous voulez aller voir la fin, Canal+, foot, je crois, ou Canal+, un des Canal+, en tout cas. Pour voir la fin de cette rencontre Canal+ Foot, ouais. Ensuite, c'est fini en donc en Italie, la Roma a gagné, ça y est, face à Ocom, qui reste, qui passe quatrième de ce classement. C'est voilà, c'est très serré. Et puis donc Vallecano Betis 0-0. Voilà, il reste aussi un petit peu de temps, peut-être pour essayer de, d'aller arracher la victoire. Je peux dire quand même juste deux points comme ça. Trois matchs en une semaine pour le PSG là, trois matchs vraiment totalement différents. Il y a eu Metz en Ligue 1 ce week-end. Oui. Là, on l'a dit, finale de la Coupe Intercontinentale mercredi à Doha face à Flamengo. Et ce week-end, donc samedi soir, match à Fontenay-le-Comte, club de N3 en Coupe de France. C'est même trois matchs, trois ambiances différentes. Ouais, c'est ça. C'est complètement différent là. C'est c'est clair. C'est marrant. Ouais. Bon après, je pense que ça va faire tourner. Ça va faire tourner ce week-end et puis même cette semaine, hein, Flamengo. Enfin, je sais pas. Bon, après, ils ont peut-être envie de gagner quand même le trophée. Peut-être ce serait leur seule possibilité de gagner. Donc, ouais, ils ont peut-être. Ce serait le 16e trophée de l'année, civil. De l'année ou oui, d'année. Bah, oui, il y a eu championnat, ouais, ben, je crois qu'il y a eu coupe, championnat coupe de France, ouais. Ligue des champions, Super Coupe d'Europe. Ouais, trophée des champions, je crois, c'était en son début d'année. C'était en janvier, ouais, c'était en janvier, oui. C'est vrai que ouais, donc ça pourrait faire le 6e. Il en manquait un. Il aurait pu faire 7 avec le combinaison des clubs, ouais. Il aurait pu avoir le sans faute, mais le grand champion. Et oui, d'ailleurs, la trophée des champions, ce sera aussi en janvier, hein, cette année, donc Paris-Marseille, ce sera le 8 janvier, à 17h, et ce sera où déjà? Je l'ai vu en plus. C'est dans quel pays? C'est pas le. C'est au Koweït. Ah non, c'est bon, oui. C'est au Koweït. Oui, Nord-Orient. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, voilà, au Koweït, dans l'état de Koweït. Ok. Bon, ce sera le 8, en tout cas. On en reparlera, bien sûr. On se quitte. Donc, on se retrouve lundi prochain. Voilà. On verra si on fait une émission entre les. Entre Noël et le Nouvel An, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup de choses à dire. En tout cas, la semaine prochaine, c'est sûr. La semaine suivante, on verra si on se retrouve. On se quitte avec Cock Robin, c'est The Promise You Made. D'ici lundi, bah, bonne semaine, portez-vous bien. Hugo, à la semaine prochaine, bonne soirée. À la semaine prochaine, bonne soirée à toi, bonne soirée à toutes et à tous, merci. On se retrouve lundi, donc 20h30 pour un nouveau numéro de Radar du Sport. Bonne semaine, ciao ciao. pelos meios da partida, fica caído Samu, mas rapidamente a reerguer-se o atacante espanhol. Em perigo de exclusão para o próximo jogo, e recordo que o Estrela vai jogar no sábado diante do Moreirense, nos Chagomes, na Reboleira, está...